Hey, Mathieu? Shit! Faut mettre la porte, là. J'avais le feeling aussi que la dernière guimauve était trop, mais je pensais pas que ça te ferait ça. Ouais. C'est redan, Chris. C'est vraiment bizarre le plâtre pis tout, comment ils l'ont fait. Peux-tu bouger un peu? Pas vraiment, non, check. Ah, pas bougé. Je suis pas sûr si ça a juste swingé ou si c'est toi qui as bougé. T'en as combien de temps ici, tu penses? Aucune idée, je pense au moins un mois. Tabarn, ok, ouais. Mais c'est un peu mal, c'est moi qui avais amené ces guimauves-là. Mais tu sais, pour compenser, tu sais, là, je t'ai amené une surprise. Qu'est-ce que c'est? J'ai un sac set. C'est quoi? C'est pas. J'ai encore tes petites cassettes de radio en fer. Mais non, c'est des cassettes. J'ai pris le temps de monter les meilleurs moments du podcast qu'on faisait ensemble. Je les ai mis sur des cassettes. Ah ouais. C'est vrai que c'était bon parfois. Mais là, c'était compliqué aussi de mettre des morceaux là-dessus. Fait que toutes les belles discussions intéressantes qu'on avait, j'ai pas mis ça. J'ai juste mis. Tu sais, quand on essayait de faire de l'impro et qu'on était pas bien bon. Non, je m'en rappelle pas, parle pour toi. Je me souviens pas, c'était quand la dernière fois. Et surtout de ça. Quoi? Et surtout de ça. Ben check, j'ai mon. Il y a quelqu'un qui m'a amené une radio, tu peux mettre la première cassette. T'as ça donne si bien que moi je fais ça sur format archaïque puis qu'il y a une radio exactement dans la chambre. C'est un collectionneur de boombox. Ah, c'est ça. Tu sais, j'aime ça que malade, la première affaire que tu demandes, c'est amener mon boombox. Ça fait mal à chaque fois que je sais, excuse-moi. Je t'en pars une. Hey Stéphane, ça va-tu bien? Hey salut, Mathias. Hey, j'ai hâte d'enregistrer le podcast demain. Hey, c'est-tu un monsieur avec un gun? Hey, j'ai un fusil, je vais vous tuer. Hey monsieur, tuez-nous pas ouais, là. Ouais, c'est pas le fun, si on a ouais, là, ça va faire mal. Qu'est-ce qu'on va faire un podcast tantôt avec des trous dans la tête, ça, c'est pas bon. Hein? On est la police, arrêtez monsieur. Ah non. Rangez ce fusil. Oh là là, oh. Vous m'avez bien servi! Hey, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Calvaire, voyons donc qu'il se passe plein d'affaires demain, mais avant qu'on enregistre un podcast. Hey, vous autres, arrêtez de parler, là, ça nous dérange, on va vous tuer! Si vous arrêtez pas! Voyons, ben là, vous êtes censé nous protéger, monsieur la police! Hey, ouais, policier, si vous tuez ces deux podcasteurs, je vais vous tuer aussi! Hey, Stéphane, vite, je pense que c'est le moment de voyager dans le temps. Ok, mais sors ta montre à voyage dans le temps. Ok, cours vraiment vite, puis on s'en va dans 20 ans, 60 ans dans le futur. Go! Ok! Arrêtez-vous! Vite! Vite! Ok, on est 60 ans dans le futur. Wow! C'est bon, ce quartier est rendu weird? Qu'est-ce, c'est tout pété, man? C'est quoi qui se passe? Ben voyons donc. Bip boop, bip boop! Hey, je suis monsieur du présent, bonjour, boum boum boum boum boum. Monsieur qui arrive, je suis du présent, bonjour, au cas où quelqu'un vienne du passé. J'allais dire que je suis du futur, mais c'est-tu lui? Bip boum, c'est quoi votre accoutrement ridicule? Ben, excusez, c'est quoi, vous êtes en papier d'aluminium, pourquoi? Y a-t-il une raison? On va-tu mourir? Bip-boup! À cause de la chaleur des UV solaires! Oh non! Bip-boup! Ah non, pour ça, on cuit, man, j'ai des cloques! Oh! Ah, merde, ça fait mal quand même, oh! Steve! Vite, cours dans le bâtisse, vite! Ok, go! Il bâtisse en glace, en okay. Forme de boule. Ok. Aïe. Oh, on est en dedans. Bonjour, bienvenue dans la bâtisse en glace, en forme de boule. Prendriez-vous une tasse de thé cosmique? Ben c'est quoi la différence? Nous, on vient de 60 ans dans le passé, c'était l'hiver. Attendez, restez ici, je vais m'informer. Ok. Ça a changé de face quand tu as dit qu'on venait du passé. Hey, c'est bizarre, man, c'est quoi ça? Il y a genre une madame en hologramme qui danse avec un monsieur en hologramme. Ah ouais, demande-moi, t'es dans le boule! Le cabaret des sorbets! Ok, là, on accueille un humoriste qui fait des blagues vraiment trop précises que juste une personne qui va comprendre. On l'accueille. Yeah. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Hey, en fin de semaine, je me suis inscrit à un cours de RCR. Là, je m'attendais à t'approcher sur du monde puis à picher des poubelles, pas à souffler d'une catin. Merci tout le monde, hey! Thank you. Ah, c'est ça les sorbets, de la surprise à tous les recoins. À tous les... à tous les quoi? Les tournants? Les... comment... c'est quoi l'expression? Il y en a-tu? On va dire racoins. Les racoins. Non, c'est pas racoins. À tous les... recoins. Sur racoins, j'ai toujours dit racoins, moi. Non, mais c'est le mot racoin que je trouve bizarre. Allez. Un racoin, on dirait que c'est genre, c'est pas correct. On dirait que c'est quelque chose que t'as oublié ou bien qui est comme, c'est tannant dans le racoin ou je sais pas, non? Je sais pas. Mais racoin, on dirait juste que c'est un canard hipster. Racoin! ça me fait très chaud, pourquoi? Ah non, parce que j'étais très drôle. C'est pour ça que ça t'a fait rire, pour cette première question. Hey, je pense qu'on a un appel. Oh! Vous êtes au sommet du caractère mou? Oui! Ah ben, tabarnouche! C'est moi! Donald? C'est moi, le canard! Le canard? Ah oui, ça va canarder! Oh shit! Racoin! Oh, ok, c'est vous ça, le canard hipster! Et voilà, vous m'avez appelé! Non, vous m'avez appelé. Attendez, j'allume ma cigarette! Wow! C'est une bonne cigarette, Racoin! Ah, c'est drôle quand je ris, j'ai un peu votre voix aussi. Ouais, c'est mon nom, Racoin. Racoin, canard. Fait que, faites quoi dans la vie, vous? Je fume. Ah, ok. Pouvez-vous refumer un petit coup? On m'appelle le personnage à une dimension. Wow! C'est tout ce que vous faites? Fumer? Vous faites rien d'autre? Êtes-vous un canard fumé, par hasard? Non, je mange beaucoup de pain. Ah! Mais c'est dangereux, je peux mourir, j'ai pas de contrôle. Ouais, non, c'est ça. Mangez-vous des frites avec du ketchup? Parfois, oui. C'est une noix dans la pub, mais ça fit? Oh, c'est raciste. Oh. Non, vous feriez pas que les oies, c'est comme des grands crises de canard? On n'est pas pareil. Ben. Ils sont plus violents, les oies. Ouais. Hey, c'est-tu vrai, votre affaire, que vous, les canards ont un immense pénis vraiment long pis dégueulasse? En tire-bouchon? Ouais. Oui. Pis c'est le fun, ça, ou? T'essayeras de te masturber avec ça. Ouais, ça prend surtout que des ailes. Ça fait tout un... Qu'est-ce que vous faites? Vous la laissez traîner dans l'eau, vous la taponnez avec des petites pattes, hein? On le fait pas, en fait. Oh, c'est plate, ça? Ouais. Chris, ça a fait un malaise, m'excuse, monsieur canard. Ça me fait pleurer à chaque fois. Ok, là, on est dans l'espace, on est dans un vaisseau. Attention, il y a un astéroïde à droite, Stéphane. Oh, capitaine, je la zigouille avec mon tir flash. Oh! Ah, hey, ça a explosé. Cette justesse, ça, capitaine. Hey, c'est-tu des minerais, Stéphane? C'est-tu des minerais d'or qui flottent? Je peut-être. Faudrait que je l'inspecte avec le scanner. Lance le robot analyseur. Ah, oh, ok. Ok, il est ici dans le tiroir. J'ouvre le tiroir et j'active le robot. Lance-le dans l'espace. Intersidéral. Je suis le robot. Hein? Avec un accent. C'est ça, un arrogeur. Bon ben, le robot ricaneur avec un accent. Ouais, il y a ce petit robot ricaneur avec un accent. Je vais le lancer direct dans l'espace. Ouais, mais là, faut-tu... Il y a un tube. Je vais prendre le tube. J'ouvre la porte. C'est-tu bien fait? Et le robot... C'était... ouais. Ah, on le voit par le windshield. Ah, il passe dans le hublot, là. Ouais. Il vient de frotter dedans. Non, mais là, on ben. Ah, ici, tu plates l'espace, esti. Hein? Ouais, mais là, ça fait quoi, 200 ans qu'on patauge dans l'espace? Qu'on est en sommeil suspendeur. On était en sommeil, là? Moi, c'est que je trouvais ça aussi. Non, mais qu'on se réveille on and off. Ah, ouais. Fait que là, c'est pour ça que ça fait 200 ans. C'est en 200 ans, écoute, je vois plus la différence entre le sommeil et la réalité. Je sais jamais si... pince-moi. Poup! Allez donc, Christy, on fait pas ça. C'est toi qui me l'as demandé, fais pas ça. Ouais, mais... Chris, dans mes rêves, tu le fais pas. Hey, c'est-tu moi ou les galettes qu'on mange tout le temps, là, ça goûte la merde? On va peut-être changer. On devrait peut-être arrêter de manger les mêmes galettes. On dirait juste du gruau. Moi, je dirais, c'est peut-être parce que le problème, c'est qu'on reprend toujours les mêmes galettes. Au lieu d'en manger des nouvelles. Ouais, mais c'est le recycleur à bouffe qui fait ça, non? Ouais, ben, je pense qu'il marche plus parce que tout goûte la merde. C'est une blague de... Nous ont mangé nos crottes. Ben non, c'est la qualité des galettes. Hey, on vous a eu, c'était les sorbets! Ah, tout ce temps-là. C'était pas des gens dans un vaisseau. T'as une monde, ils croyaient, là. On était Chris Star Trek Killer, nous autres, là. Ben. Es-tu tanné de rouler tes scènes noires avec des rouleaux à scènes noires? Ben non. Ah, oh, j'allais te faire un pitch sur quelque chose de vraiment cool. Ben encore, lisse, va-t'en. T'en veux-tu un? J'ai un sac plein de mon truc, là. En veux pas un, Chris. Mange-le. Mange-le! Une liste de trucs que j'ai acheté dans l'épicerie en vrac parce qu'il faut noter les... T'as-tu déjà fait un peu d'épicerie dans des magasins de vrac? Pas tant. À chaque fois que je vais dans un bulk barn, je fais juste acheter plein de cochonneries puis des pieds. Tu sais, les Bigfoot. Ouais, ouais. Bref, c'est que t'arrives avec tes plats, tu mets des chiffres dessus, fait qu'eux, ils payent ton plat puis ils mettent l'argent que t'as... Le poids que t'as pas à payer parce que c'est le poids de ton plat. Ok, ouais, c'est le genre d'affaire. J'ai acheté des abricots nature. D'autres abricots, mais eux, sans sulfate, fait qu'ils sont bruns. Ouais, les hosties de sulfate, hein? Ouais. Mais les natures, ils ont des sulfates, eux autres? Non. Oui, pis ils sont orange. OK, parce que quand t'enlèves le sulfate, ils sont bruns. Ouais. Si t'enlèves le sulfate, c'est quand t'as fromage, ça fait la même chose? J'ai-tu, ouais. Ah ben, on laisse ça, l'expérience. Monsieur Cheetos. J'ai pas fini ma liste, Stéphane. Hey, on a un appel. Là, c'est une merde comme segment, je pense que ça me fait sonner crissement genre péteux, là. Hey, moi, j'achète une ratée de la nuit. J'allais le dire, mais là, on était interrompu par un appel. Là. Ah, allô? Hey, c'est moi, Chester. Le Cheeto des Cheetos. En mangez-vous des Cheetos, ah, monsieur? Tout le temps, c'est mon alimentation. Tu m'as pas vu dans les pubs, j'ai un gros Cheeto, je le mange. J'ai mes lunettes, moi, dans la maison, je les garde. Oh, ok, je voulais juste préciser, le sulfate, pas rapport avec les... Quand t'as vraiment, tu peux pas rendre ça brun, là, c'est pas... Mais moi, j'ai déjà entendu le monde... La seule façon de les rendre bruns, c'est de les chier. Ça a l'air que les Cheetos, c'est dur sulfate. Oh, ça, regarde. T'as-tu vu ma taille de guêpe? Ben, vous étiez pas un léopard? Je suis un léopard, hein? Un léopard, cheetah, un cheetah. Un guépard. Guépard? Oh, non. Moi, j'suis un mâle alpha-pard, moi. Oh! Rad! Alright, merci, monsieur Cheetos. Oh, fait plaisir! Wouah! Malade! Au garage chez Tipeee, tu n'as rien à perdre! Et ma fleur a un prix spécial! En attendant la réparation de votre véhicule, profitez de notre merveilleux café Max Wexhouse. L'autre jour, mon véhicule s'est arrêté. Là, il me dit que c'était le radiateur. Mais j'ai demandé... Est-ce que tu l'auras dit à Thérèse? Des sièges chauffants? Oui, mais juste pour le chauffeur. Au garage très accueillant? Après un changement de bougie, vous pouvez dire à votre garagiste, mange mon bout, Gilles! Le gars, il me dit de faire changer mon pare-brise. J'ai dit, mets donc un pare-brise pas à la place. Il me dit, il y a une poque sur ta portière. J'ai dit, pas juste hier, elle est là depuis un mois. Profitez du temps de l'attente quand on répare votre véhicule pour aller lever des alternateurs. C'est moi qui aurais besoin d'un frein à main, selon ma femme, la taponne tout le temps. Ça fait-tu du bien d'entendre ça? Un peu, mais tu sais, c'est... C'était tough, hein? Pourquoi on dirait que tu sonnes comme si t'avais plus de la misère à faire des trucs comme ça que d'être malade dans ta civière, hein? Dans ton lit d'hôpital. Tu parais pas de même, c'est pas facile. Tu sais, des fois, quand tu veux improviser, ça sort pas, là. C'est ça. C'est une autre cassette. Oh, merde. Enlever celle-là, ma bête. Mais celle-là. Excuse-moi, la morphine fait. Ouais, moi, je pense qu'ils m'en ont donné aussi parce que. J'étais allé au Subway hier. Tu sais, du monde qui jase trop avec les caissiers ou caissières, ou là, dans ce cas-ci, artiste du sandwich. Mais tu sais, les clients qui en mettent trop d'être contents d'être en train de. Se faire un sandwich, là? Genre, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Trop. C'est des enthousiastes. Il est un petit peu coche, trop enthousiaste, mais tu sais, comme, Hey, tu savais comment que je vais savourer ton sandwich, là? Hey, tu fais bien ça, mon chum, là, comme... quel fromage. On a un appel. Je vais-tu me gâter? Qu'est-ce qu'il y a plein de mon anecdote et on a un appel en même temps? Elle est... Hey, ça revient du caractère mou. Allô? Allô? Allô? À qui je parle? C'est moi. L'artiste sandwich. Tu t'es reconnu dans mon anecdote? Qu'est-ce que t'en pensais de ce gars-là, toi, Chris? Il m'a fait sentir malheureux. Ça gosse, hein, son tour comme over-enthousiaste. Oui. Chris, il fallait que je mette des petits fromages sur le pain. Y'a-tu... C'est les autres qui disent fromage. C'est pas créatif, c'est pas un artiste. Y'a-tu... Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres, toi? Je fais du pain. Toi, on sort pas le pain de son monsieur, hein? Ah non, ouais. Ça m'a donné le goût, ça nous dans le pain. Je me suis dit que j'allais faire du bon pain. C'est arrivé ou c'est-tu bon ton pain? Ouais, mais... on va aller dans mon nez. Attends, j'ai des boules de pain dans le nez. Et c'est pris là depuis 1988. Ça moi, je pense que c'est des champignons. Tu peux aller te faire checker pour ça, c'est... Non, il m'a dit que c'est trop laid. Pas des assurances? Ça donne rien. Là, t'es pas marré. Ça donne rien. C'est marré, tu vas mourir de ça, non, c'est que t'es laid. Ok, ben d'abord, vous êtes pas assuré au Subway? Vous avez pas une assurance collective, quelque chose? Donne la salade. Tu vas être en santé, mange une salade. C'est vrai, il y a l'option salade aussi au Subway, hein? Ouais. T'as-tu déjà vu des couples qui sont vraiment cheap pis qu'ils se prennent juste un sous-marin pis ils bourrent de salade? Pis il te demande un plat de plastique en plus, fait que le gars, quand ils vont manger, le gars mange le sandwich, mais il transvide le stock de salade dans le plat de la fille. Ils font tout ça, les gars. Moi, je crache la dalle, tu sais, bon affaire, c'est heureux. Bon! Un client. Bye. Il y a une partie de moi qui aurait aimé ça qui raccroche pas à l'interaction du client. Hey, on a-tu des participations au concours, ça, tu sais? Ouais, on a une. Une seule? Une nice. Seule. Bon, ben... C'est quoi ce concours-là? Je veux mon entrée. Ah, tu bonjour, Sam. Qu'est-ce que c'est un bébé qui parle dans du sang? Mange mon vomi. Pis là, je me suis réveillé le lendemain, une fesse. Pis, j'étais allé aux toilettes, ça sonnait de même. Si t'amplifies le son, ça donne ça. Un sourire d'enfant. C'est mieux d'être bonne si t'as pris une pizza là. Oh là là. Hey, bravo Charles. J'ai... En tout cas, j'ai hâte de voir si c'est toi qui vas gagner. T'sais... On a un appel, je pense. Oh shit. Allô, les sorbets du caractère mou. Moi là. Ouais. Moi je fais des peintures chez nous. À qui je parle? Fuck. attends, je vais trouver ton... Si, il est facile à briser ce personnage là. Je m'appelle Tommy. Tommy? Ouais, moi, là, je peinture. Je fais des petits bonhommes. Ça fait genre... Ça fait environ peut-être 3 mois que je fais ça. J'avais jamais dessiné avant. T'allais porter ça dans le musée. Ils veulent pas, les estis. Ben voyons. Hey, je suis peintre. Okay. À quel musée? Musée des Beaux-Arts. Puis vous êtes rentré là avec votre toile de bonhomme. Ben. Faut que tu te rends compte, le gars du... C'est quoi, le conservateur, genre? Il me dit pratique, t'es pas professionnel. T'es qui, toi, Chris? Je suis peintre. T'as-tu une page Facebook qu'on peut liker? T'encourager? Ouais. Tommy Pinceau. C'est tout. Ce que j'avais à dire. Là, des mange-marde. Il me respecte pas. C'est quoi, là? C'est quoi votre plan, là? Allez-vous continuer à peindre quand même, ou... Oui, là, tu sais, je peins peut-être une fois par semaine, là. C'est ma 6e peinture. OK. Ils veulent rien savoir, les estis. C'est quoi, vous, là, vous peignez des bonhommes, ça ressemble à quoi? Des jeux de couleurs? C'est un peu plus... Des quoi? C'est... Je sais pas, c'est plus proche de, tu sais, des impressionnistes, là, un peu plus flou. Ben, c'est un bonhomme, là, un petit bonhomme, là, il a une tête, je vais pas trop bon des couleurs, je vais en brun. OK, mais il fait quoi? Il fait-tu quelque chose? Y a-tu une intention derrière ça? Ben, il y a un bonhomme. Je peinte, moi. Avec quel matériel vous faites ça? C'est de l'acrylique? J'ai trouvé de la gouache. OK. T'es-tu en train de dire que je suis pas un peintre, moi? Non! C'est quoi ça? Tu me respectes pas? Okay. T'as pas besoin de te sentir menacé. Non, moi, je m'en vais. Je m'en vais, je ferme ça, là. Bye. Oh, Christ. Puis ça, te présenter par les compagnies de crottes. La compagnie bon. Crottin, crotte. Eh hey, oui! Crottin, achetez notre crotte. Ah, la belle crotte, les crottes comme les pour crottes. Pour vos plantes, pour vos choux. Pour votre ex-femme! Les belles crottes! Les belles crottes! Les belles crottes, mon fils, il en mange! Il est tellement bon! Ah, il a trois yeux! Les belles crottes! Crottes! Les petites crottes! Les petites crottes! Les petites crottes de crottes! Ils sont bien durs, vos petites crottes! Ouais, va donc chier! Comment vous faites ça? Ils se passent, ils sortent des fesses! Hey, penses-tu que je vais te donner mes crottes? Ben, j'aimerais ça! Tu veux investir dans mon compagnie de crottes? Je sais pas, combien de chies? C'est assez impressionnant! Ah, ben, fais-en donc là, un petit couvreur! Ok! Pout-pout. Éternel, pout-pout. Ok. C'est bon, deux pièces. Ils sont molles, c'est un peu molles. Ouais, deux pièces. C'est molle, désolé. Ça sèche-tu vite, ça? Ah, je sais pas. Il va être assez humide. Oh, c'est long. J'allais dire 2000, mais on va attendre un peu. Ok. On s'en reparle. Ah, ok, bah, tu t'en vas ou pas? Vous te gardez. Ok, bon, bye. Je vais m'essuyer, c'est un peu ça. Ah, oh, oui, t'es bon, ouais. C'est avec la bouche. Bienvenue à Pâte et Papier. Cette semaine, on a 7 différents papiers. Premièrement, du papier craft. De la compagnie Mange Tout. On va premièrement entendre le son. Ouais, on peut sentir un peu la granularité du grain. Sinon, ensuite, on a le son lorsqu'on le déchire. Waouh! Ça se tient quand même assez bien. Maintenant, on a le papier chiffon. Ce coup-ci, de Grabo. Donc, le son. Ah ouais, on peut sentir que celui-là est beaucoup plus léger. Maintenant, la déchirure. Beaucoup plus facile à déchirer. Beaucoup plus facile. Ensuite, on a un papier crépon. De crépon. Beaucoup plus subtil, celui-là. Déchirure. Ah, on peut sentir une petite résistance de plus. C'est pas aussi net. Ensuite, on a un papier de riz de la compagnie Conigua. Le son. Ah, extrêmement léger et subtil, celui-là. Aussi, au toucher, c'est surprenant. On jurait qu'on tient de l'air. Ah, c'est presque musical comme son. Ça, je pense, c'est un peu la fibre du papier qu'ils utilisent pour le faire. Et le dernier, je me le réservais une petite surprise pour vous. Un papier Tori no Kogami. La définition, c'est un papier enfant d'oiseau. C'est ce que ça veut dire. Donc, au son. Ah! Beaucoup moins subtil que j'aurais pensé. C'est un peu même brut. Non. Non. Ah! Ça sonne comme les autres, celui-là, ouais. Je cacherai pas que je suis déçu. Je m'attendais à beaucoup plus. Hey, on a un appel, je pense. Bonjour, les sorbets. Bonjour, ici Barack Obama. Barack, esti, mon vieille branche. Comment ça va? Ça va très bien, je suis en skate. Ben oui. Très, très street style, on vous reconnaît là-dedans, monsieur ben, Barack. J'ai plus le temps, bye. Allô, McDonald's. Salut, avez-vous des jeux pour enfants? Ben, on a une glissade, là, on a des boules en plastique. Ok, vous n'avez pas, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont plus. Ben, moi, je voudrais faire une réservation. Ouais. Ok. Pour une fête d'enfants, ben, pour une fête, c'est un 7, en fait, c'est un... Il y a quel âge? 100 000 ans. Ok. Tu es capable de faire matcher ça avec des grains de sésame sur ton pain? C'est ben gros ça, un cep. Ben, Chris, mettons... Allô, McDonald's, puis je prends votre commande. Ben, grand comme... Ouais. Tu as déjà vu, mettons... Toi, t'es grand comment? Ben, ma mère, elle me dit que je suis quand même grand. Ben, un petit peu moins grand que ça. Quand même, okay. C'est un pas pire cercle. Ouais, c'est un pas pire cercle. Ouais, c'est lourd. Ben, c'est lourd, pas pire, là. Ben oui, on peut te louer à la salle. Là. Ouais, c'est, si, mettons, aujourd'hui, c'est sa fête là. Ouais, ouais. Je peux t'arriver là. Mercredi après-midi, il n'y a pas grand monde. Ouais, ouais. Vous l'avez trouvé où, ce cercle-là? Ben, il était dans une roche. Il y avait une roche, puis là, j'ai tiré, puis il y avait ça dedans. Puis moi, je pense. Ouais, mais où, la roche? Là, en Beauce. Ah, ok. La fameuse roche de Beauce. J'espère qu'il est beau, ce sceptre. C'est un très beau sceptre. Ouais, moi, je vais être humoriste. Je travaille chez McDo pour payer mon appart, mais ouais, j'essaie d'être humoriste. Vous, faites-vous des soirées open mic autour, un peu? Je suis un peu gêné. Là. Ouais, mais non, pas encore. Avez-vous un peu de matériel? Je suis curieux. Moi, j'aime ça, l'humour. Je suis un fan d'humour. Ouais, fait que je suis rentré, puis j'ai vu la friteuse, puis là, j'ai demandé au gérant, « Hey, c'est qui l'huile? » Hey, ça, là, mais... vous allez pas travailler au McDonald's longtemps de même. Là. J'ai vraiment l'impression de parler. Je l'utilise comme inspiration pour mes blagues. Là. Je prends ça comme une muse. C'est correct. Liz Dion a fait ça avec son Donald. Dunkin' Donuts. Muse Donald. Regarde ça. Muse Donald. Très bon, ça. C'est comme ça que j'appelle ça, moi. Ouais, ben c'est. Je suis cool. Hey, c'est beau le monde créatif, là. J'entendais ce que vous faites, c'est pas pire, c'est ouais, pas pire. Ouais, vous aimez ça? Mais moi aussi, je fais de l'impro, Je peux essayer de vous faire, je vais faire une momie, pendant que je suis en train de faire ces bandages. Je vais vous croquer... Vous êtes... Dans le sable! Est-ce que j'espère que vous êtes aussi bonne infirmière qu'un improvisateur. Pantin, c'est fait. Hey, ça se peut-tu? Ah, un des guimauves, pis l'autre une boule de pain dans le nez, toi. C'est. Bon, j'y vais. Est-ce que t'as bien bandé ça, hein? Ben serré, là, c'est. Est-ce qu'il y a de bouger plus de même ou. Ben attends, hein? Ah, pas vraiment, ouais, non. Ok. Il m'en reste d'autres, hein? Je peux te mettre l'autre cassette. Ouf! toujours aussi drôle, hein? Et ton personnage de gars que ça y tente pas, là. Je pense ça. Ok, là, on est dans un sous-marin. Boop. Boop. Boop. Hey, capitaine, y a un poisson qui bloque le... Tu sais, l'affaire que ça ressemble un peu à... Boop. À Wall-E, là, que je regarde dedans, là. Boop. Comment ça s'appelle, ça? Puis-tu, on a-tu Google dans le sous-marin que je regarde c'est quoi le nom de ce cassin-là? L'affaire que tu tires dans la face, là, que c'est comme un guidon. Eh hey, ben, on va rester longtemps dans le sous-marin. Si on sait même c'est quoi le nom des jumelles. Des jumelles en tube. Jumelles, ouais, c'est ça? Officiellement, ah ben, c'est des jumelles en tube. Okay. Aux jumelles en tube! Ok, ben, y'a un poisson qui le bloque, capitaine, je peux pas voir à travers, c'est. Envoyez le robot! J'ouvre le tiroir! Ah, c'est le robot mexicain, capitaine. Je l'envoie par le tube. Ah, il passe dans le windshield. Hein? Il s'accroche dessus, hein? Mais ouais, mais... C'est parce que faut-tu le contrôle? Il fait rien. Juste qu'enlève le poisson devant mon tube à yeux. Ah, mais je pense que le poisson a l'air glissant. Un poisson qui se crisse. Je peux-tu. C'est qui ce poisson, ça? C'est le Mexicain. Là, c'est bon, on va changer de le Mexicain, man, va. Il y a un Mexicain à côté du robot Mexicain. Mais là, il a sauvé, il va manquer d'air, mon petit. On est en 1910. C'est pas vrai que le. Ouais, on est-tu encore dans ce marin? Regarde, là, capitaine, moi, j'ai des doutes, là. Ça fait une semaine que moi pis Charles, le copilote, on jase pis on se dit, Chris, le capitaine, c'est moi, il s'entraîne plus. C'est qui, Chris? C'est une mutinerie, capitaine. On est plus capable de votre manque de jugement pis de racisme. Mutinez-moi. C'est ça qu'on va c'est faire. C'est pas moi qui ai inventé le robot mexicain. Non, mais. Hey, c'était du gold, ça. Ouais. Ok, là, on est dans une montgolfière. Non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose dans le feu. On voit le robot! Le pire, dans ces contextes-là, il y a sûrement quelque chose à faire, là, mais... Ouais. Ouais. On a toujours pas sauvé le Mexicain. Hein. Non, on peut pas. Le capitaine. Ok. Non, mais là, moi je dis, on va se marrer. Bon. Chris, oh, capitaine. Je monte les escaliers. Je rentre dans le sas, je le ferme. Ok, j'ouvre. Hey capitaine, vous avez sauvé le monsieur mexicain? J'ai pas réussi à le ramener, vous êtes qui? Je suis moi le pilote avec Charles. J'étais encore dans le sas. Ah! Oups, ben là, je suis là moi aussi, ça a l'air, qu'est-ce que je fais là? Tu es en train de prendre une marche dans le sas? Vous êtes resté dans le sas, rempli sous l'eau depuis de tout le temps, le gros 10 secondes. Ben là, c'est-tu comme Smo qui est confus, là? Il était déjà mort, le Mexicain, je l'ai pas ramené. Ah, ok. Il était avec qui tantôt, quand il a fait du bruit, c'était-tu ça? Michael. On Michael? Va toujours l'aimer. Michael, pas Mexicain, ça. Ben, il a le droit. Il justement, j'essaie de... Ouais, monsieur Michael Tacos. Hey, c'est tout malaisant, ça. Calice. C'est l'heure d'un nouveau cabaret des sorbets! Hey, ok tout le monde, ok, là on va accueillir un humoriste qui fait juste des jokes de liqueur. Ok, on l'accueille! Ouais! Ouais! Salut tout le monde, ça va bien? Écoute, l'autre fois, je vais dans un donjon, y a un gars qui me dit, hey, moi, je suis un fantassin. Moi, j'ai dit, ah ouais, moi, je suis un 7-Up cuisse. Pepsi, tout le monde! allô, les sorbets? Allô, t'as préféré un ACV? C'est qui, ça? Ça va, Stéphane? Qu'est-ce que c'est-tu? T'as-tu comme un... T'as trop de langue dans la bouche. Je suis un serpent. Un serpent? Gilles Serpent. Gilles Serpent. Gilles Serpent, ok. Gilles Serpent, là, je veux que... Ben, j'ai jamais parlé à un serpent, c'est très... Veux-tu... Ah, parles-tu? C'est comme dans... Tu parles-tu comme dans Harry Potter, là, quand il parle en serpent, là? En fourche langue. C'est ça ou c'est comme un autre dialecte, ça? C'est un autre dialecte. Moi, je suis un homme serpent. Ah, un homme serpent. Mais ben, un demi-serpent. Qu'est-ce qui est demi? Qu'est-ce qui est serpent, c'est ton corps? Qu'est-ce qui est homme? Ma bouche et ma queue. J'ai pas de jambes. Et t'as une bouche d'humain? Non, de serpent. Ok, t'as une bouche de serpent. Ok, le reste? Ok, t'as une queue? Puis t'as j'ai pas de jambes. Mettons que tu serais chez Mars, serais-tu capable de te donner un saut qui fitrait? Faudrait-tu que tu fasses un trou de la queue en avec arrière? Avec le haut du corps! Lalalala. Ah, c'est... ok, t'as un torse, t'as un torso. Ben, j'ai là. Des mains. T'as un torso, mais t'as une bouche de. T'as une tête de serpent ou c'est un. Oui, exact. J'ai une dent. Mettons que je jouerais de la flûte, tu danserais-tu ou juste ta partie serpent qui ferait ça? Non, je suis pas gay. Okay. Maintenant, on a le prix pour le nom de podcast le plus long. Veuillez accueillir, attendez. La soirée de l'espadon masqué du gré des vents de la rosace du poil de Saint-Pierre-des-Foudres sur la chute des buts de la mère à maman pour les 6 champions graves manquants du 4e hécatombe de la soirée des masques humains. Agence Magnitude de la jaunisse des pinsons au marbre des pleurs de la ville des fumées du songe, au nuage de la lourde moule au zénith des franges de la marée brune des mélanges au chant du pilon, du jeu des arcades de la freluche des jupettes du micro à tasse de 8 gommes pour le plan des captures, du bas de la crèche gauchère au pelage sauvageon des courriels malafras, des puants gognes pluri-sobricales d'un film à droite du marais chaplon meurt! Est-ce qu'ils sont présents? Ah non, on me dit à l'oreille qu'ils ont pas pu être là, c'est dommage. Hey, on a un appel. Oh! Oui, allô? Hey, salut, je serai pas longtemps, c'est Robert dans le bois! Hey, je voulais vous dire, est-ce que vous avez aimé l'album? Il s'appelle. C'est quoi votre nom? Robert dans le bois! Je vais vous présenter mon nouvel album, il va en bas, écoutez mon album. Moi, je fais de la musique, mais je veux vous l'écouter, mon album, il va en bas. J'ai un bandcamp, allez sur mon bandcamp, robertdansleboisbandcamp.com. J'ai 10 chansons. Première, c'est les petits pinsons. Troisième, c'est les gros pinsons. La dixième de l'album, c'est ma chanson forte. C'est bien cher. Ben, il est 5 piastres, mais. Moi, écoute, on s'en rend. Puis, juste, vous l'écoutez, écoutez, vous faites de la musique. Peux-tu me chanter un petit bout? Ah, le bébé, le papa, les sons, c'est si bon, c'est bien, c'est doux. Mais en tout cas, oui, en tout cas, je veux dire, je fais de la musique, fait que c'est important que je le plug. À chaque fois que je parle à quelqu'un, je plug mon band, je plug mon bandcamp. Ben, écoute-les, chaque commentaire sur Facebook, je dis, hey, j'ai un band. C'est quoi le bandcamp? C'est Robert. Je vous conseille vraiment d'y aller, puis je fais de la musique, ça vaut quelque chose, parce que je le fais, hein. Fait que c'est sûr que c'est bon, hein. Puis, je suis vraiment confiant, puis merci, hein. Bye. T'ai-je raconté l'histoire touchante de Raoul? Raoul, c'était un vieil homme que je connaissais lorsque j'étais jeune. Il avait près de 50 ans et il vivait seul dans son appartement. Je le croisais tous les jours en sortant chez moi pour aller au travail faire ma besogne. Un jour, je le vis sortir dehors trébucher, alors je l'aidai à se relever. Il me regarda dans les yeux et je vis toute l'humanité dans la prune de ses yeux. Je lui ai dit, Raoul, c'est beau. Il m'invita alors ensuite à aller prendre une marche dans un parc qu'il connaissait. Une fois dans le parc, il prit un tournant devant moi derrière une grosse roche. Et moi, j'attendis. Il faisait chaud, le vent était doux. J'étais au soleil, c'était bon. Alors j'étais assis, je l'attendais, et là, je le vis sortir de derrière la roche. Il avait trouvé un gros chou. Il le tenait dans ses bras comme son propre enfant. Alors il me regarde, il s'approche de moi, il dit « Tu as vu ça? Ça, c'est la vie. » Alors moi, je me lève et je dis « Voyons, Raoul, vous n'êtes pas bien. Le soleil vous a tapé. » Et là, il me regarde et dit « La vie, c'est pas plus qu'un chou. Il y a des vitamines, des nutriments. Je peux vivre avec ce chou. Toi, qu'est-ce que tu as? Un téléphone? » Alors, c'est à ce moment que je versais une larme. Et Raoul a bouleversé ma vie. Et maintenant, je me fais pousser des choux chez moi. Et je le remercie chaque jour. Merci, Raoul. Vous écoutez Périmètre. Racontez-nous votre expérience, s'il vous plaît. Ben, je sortais à la piscine. Là, le grand calice, il courait sur le bord. Il dit, il court pas. Il courait sur le bord de la piscine. Il s'était enfermé dans le tuyau de drain. Il pétait la gueule sur le bord. Il dit, m'en asti. La police arrive, c'était passé. Il mis ça sur mon dos. Il dit, lui qui courait, ben, pétait la gueule. Ils vous ont trouvé en train de varger sa taille sur le sol. Mais j'ai essayé de le réanimer ici à la tête de sang. Je voyais même plus de quel bord il y avait à la bouche. Là, j'ai fait crise, puis j'ai commencé à le taper sur le bord du deck ici. Je veux t'en faire de la peinture il y a deux mois, Calvert, avec mon beau vernis. Mais c'était votre père, monsieur. Grin, c'est rien qui a pas couru, vieux calice. Le salon funéraire est sorbétu. Venez nous voir, on mord pas. Venez vous faire enterrer dans notre cimetière, mais si vous êtes plus démunis, on a toujours le Simcar. Nos services sont disponibles peu importe la date de votre décès, que ce soit en octobre pas beau ou en beau mai. Des célébrités ont déjà réservé nos services pour leurs funérailles, incluant Morgan Freeman, Alexandre Barrette et Kevin Parent. Si vous êtes italien, profitez de notre forfait Gondoléance. Transporter le cercueil du défunt en corbillard ou encore babyfoot. Un service hors pair pour le défunt. On offre aussi des prix avantageux pour les DEF 2 et les DEF 3. Possibilité de louer un espace dans le Colombarium, maintenant unisexe depuis la construction du Colombarifab. Hey, hein? Hey, man. Tu peux-tu m'aider? Faut que je me relâche. Prends le sac, là. Il y a un sac à mes pieds. Ok, je fais quoi que ça? Tiens, lève-le un peu. Je me sais ça, là? Ah, je pense qu'il va falloir que tu lèves mon cathéter à l'entrée. T'as pas une infirmière qui peut venir faire ça? Non, ça s'en vient, c'est trop vite. Comme ça? Non, tire les plus haut, un peu plus haut. Face pas. Je sais pas que je fais, j'ai jamais fait ça. Face pas, tire un peu dessus, tire un peu dessus. Excuse-moi, il est en dessous les mains. Ah, c'est que t'as-tu... Ouais, on va appeler l'infirmière, mal à cassette. Ben, je vais mettre plein de merde sur la cassette. Bon, c'est que... Ah, ils sont déjà pleines. Ben. C'est pas comme si ça allait changer grand chose. Ouais. C'est que je vais. On va jouer ça. Allô, les sorbets? Ah, tabarnak. Ça va? C'est-tu. C'est-tu les sorbets pour vrai? Ouais, ben, oui, là, moi pis Mathieu, là, les deux. Oh, comment ça, votre numéro sur le sel de ma blonde? Est-ce qu'il y a un quel qui vous écoute? Qu'est-ce qui est écrit? Je suis pris d'un rôle d'op. Vous êtes les seuls que j'ai réussi à appeler. J'ai pesé vite. Oh, tabarnak. Ah, T'es pris d'un rôle d'op? Ben là, j'ai comme envie de parler de ta blonde qui écoute notre podcast. Mais là, il faudrait peut-être parler du hold up. Mais voyons donc. Deux estimes mitaines. Vous allez pas pouvoir m'aider, c'est quoi ça? Je suis mort, ça y est. Ouais, Chris, laisse-nous une chance, là. Tu viens d'appeler, tu nous as jamais parlé, là. T'as-tu, Tu dis quoi? Qu'est-ce que t'as? Tu fais là, toi! Ah, attends! Ok. Il est parti, un gros Chris de gun. Chris, Vous êtes combien, là? Ça fait longtemps que ça dure? Ah, ça fait au moins 2 heures. Ok, shit. Puis 9 à 1, hey, ça te tentait pas ou? Bouge pas! Faut que j'essaie de moins bouger. Ok, ben, Sais-tu si ce monsieur-là, il trippe sur notre podcast? Peut-être qu'on peut le convaincre avec de l'humour? Je mettrais-tu ma vie sur votre humour, moi? Non, je pense pas. Non, effectivement, je ferais pas ça moi-même. Hein. Non, mais écoute, le garde, Chris, on peut t'aider. Écoute, y a-tu... Hey, mais attends! Peut-être tu peux l'endormir? Bah oui, je peux... Ben non, calice, tu peux rien faire! je sais pas, je cherche une anecdote vraiment plate, là, j'aurais pu, là. Oh, laissez faire, bye! Arr, arr! Hey, Mathieu, on est des pirates! Arr, arr! Boussaillon, pirate! Arr, qu'est-ce que ça dit d'autre, un pirate? Ben... Yarr! Yarr, matey! Yarr, à bâbord! Moussaillon! D'abord, tribord, perroquet! Arr, arr! Tribord! Je regarde avec mon œil de vite la carte de trésor! Yarr! J'ai mon compas! Oh là là! Babar! Oui, tribord, babar! Babar, l'éléphant! Yarr! Hey, j'ai trouvé le trésor! Yarr! Oh non, il y a un squelette! Yarr! Je suis le squelette! Je vais vous tuer! Je protège le trésor! Yarr! Il y a de la chaleur! Yarr! Je sens mon épée, squelette! Moi, mon musquet! Tu me diras pas. Oh, ton mus de s'est tombé, ça a fait un bruit de xylophone! Yarr! Il est tombé, ça a fait un bruit de xylophone! Yarr! Yarr! J'ouvre le coffre! Yes! Oui! Un chat! Danse-toi, le chat! J'ouvre le coffre! Hey! Yarr! Il y a juste un message! Ah, c'est quoi que ça dit, Yarr? Ça écrit Arr! Arr! Vous êtes beau! Oh, c'est flatteur! Ah, c'est gentil! Oh. C'est vrai que le trésor, c'est la confiance en soi, c'est une vraie richesse! Oh. L'écoute de sonne portable en pilotant votre voiture volante est fortement déconseillée par le gouvernement. Piou, piou, piou, piou, piou! Oh ouais, oh hey, Léna, bienvenue au Naso Sorbet, piou piou, oh oh! Attends, j'arrive sur mon skate volant! Aujourd'hui, c'est complètement néon! Dehors, la température est de moins million! mettez vos scaphandres en... mettez vos scaphandres d'aluminium proto-nucléaire! C'est ça, j'allais dire les scaphandres en aluminium proto-nucléaire. Vous êtes en compagnie de Street Rad Stéphane 902, cloné Pis yo, c'est Rad cette semaine parce que là, on reçoit nul autre que... Radical Matt Matt. Comment? Radical Matt Matt? Ouais. On reçoit nul autre que Radical Matt Matt. Yo, yo, yo! Écoutez, là, bon, on est en 3115. Je suis arrivé en voiture volante, je suis débarqué en skate volant. Pis ce qui est drôle avec ça, c'est que tu l'as fait vraiment en même temps. T'as sorti du skate... De l'auto volante, là. Ben oui, mais dans l'auto, t'es pas assis, t'es debout sur un skate volant. Ben c'est, ouais, c'est ça, mais c'est, moi, je conduis pas, hein, je suis pas un adulte. On n'a pas de flasher, tu fais juste... En super métro futuriste. Hein, tu sors en, genre, pour faire les signes, pour tourner, genre, s'il y a pas de flasher, faut que tu sortes ta main en faisant, genre, un signe cool avec tes doigts, genre, de chaque côté, là, comme un... Ben comme le excuse-moi, un devil téléphone, là. Ouais, plus un téléphone ouais. qu'un devil. Ouais, c'est un téléphone, ouais, c'est ça. C'est un, ouais, un téléphone, c'est un thumbs comme... up. Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses en shakant, tu chantes ta main pour tourner. Ok, fait que c'est ça qui se passe. Puis là, t'es à une main, puis t'es comme... Puis là, tu peux tourner. Ben, c'est bizarre sur les coins de rue, là, qu'il y a tous les chars volants, t'entends juste ça. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça. Y a-t-il une solution pour les muets, ou dans le futur, ça n'existe plus? Aujourd'hui, tu parles? On les a tous tués. Ok, c'est ça, exact. bon, ouais, comme aujourd'hui, c'est le 500 millième épisode des nasaux sorbets. Des nasaux sorbets. Des nasaux sorbets. On a quelque chose de bien spécial. Mais t'as la nouvelle console de jeu. Oui, la nouvelle Super Flexto 400. là, on a essayé le jeu de Ricardo. Spatial. c'est Ricardo sur Mars. Oui, ben t'es Ricardo ça, sur Mars. Tu fais des recettes comme de... C'est recettes spatiales, hein? Cuisine bobiche! On fait toujours des trucs de cuisine. Ah, c'est vrai. Pêche bobiche! Ah, ok. Hey, bienvenue à Pêche bobiche. Aujourd'hui, on va pêcher la bobiche avec mon collègue... Jean-Guy! Allô? Hey! Parle pas trop fort, ça fait peur au pesson. Oh, excuse! Faut pas faire peur au pesson! Tu veux essayer de la baboche? Y'a de la baboche, des barbottes, des tateux, la truite. Ah! Voilà. Fait que toi, t'as une sorte de canapé, t'as pris ça où, ce canapé-là? Un Zentaheur. Oh, Barnac! Ouais, mais... Une connaisseur? Ben, qu'un, mais c'est pas une cheap, là. Celle-là, il fallait qu'il m'a débarque. Oh, là là! Ben... Oui, c'est ça. Celle-là, ouais. Ils sont pas habitués de voir ça. Le petit gars, là, le petit gars, il était pas trop vite, mais là, il m'a regardé, puis il fait... Tu veux? Celui-là, il est fort en fusil. Aussi. Quand j'ai dit, tu vois que c'est pas souvent du monde qui sont capables d'être aussi bons à pêche. Fait que là, il était comme, hey, wow, pour vrai, monsieur, cette canne à pêche-là, j'ai dit oui. Oh, ah, il devait être impressionné quand même. Là. Ouais. Oh, non. Il touche. Et là là. C'est drôle, la mécanique de pêche rappelle ce petit jeu d'hélicoptère Flash. Te rappelles-tu quoi, Jean-Guy? Pas tout, moi. Flash, c'est quoi ça? Flash, c'est le... C'est... Tu sais, quand tu vas aux toilettes, puis quand t'as fini, tu flashes. Non. Ah! C'est vrai, vous faites tout ça en tas dans le bois? Ben, ok. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes deux jours sur un chalup? Ben, tu chies dans le lac. Oh! Tu chies-tu dans le chalup pour le dropper dans le lac ou tu chies les fesses dans l'eau? Les fesses dans l'eau. Ok. On va poursuivre avec... En attendant que ça morde, voici un montage de tous les pêcheurs morts la semaine dernière. Hommage à Jean-Paul, 67 ans. Hommage à Jean-Gilles, 67 ans. Aide-moi! Hommage à Jean-Richard, 67 ans. Hommage... Venez! À Jean-Paul. Venez, aide-moi! 67 ans. Aide-moi, venez! Hommage! À Jean-Gilles. Aide-moi! 67 ans. Aide-moi! Eh ben, qu'on vient, l'hommage. Il y a beaucoup de pêcheurs qui sont morts la semaine passée. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, ces pêcheurs-là. Hop, oh, Jean-Guy plus là. Hey, on peut-tu mettre Jean-Guy dans le montage la semaine prochaine? Oh non, un poète! Encore lisse. L'amour comme un glacier s'échappe de mes mains angoissées parmi les radeaux. Regarde-le pas, regarde à terre. Regarde à terre. Ouais, non, vite, passe-toi. Ne partez pas si loin de mes mots. Qu'est-ce qu'il nous suit, le calice? Qu'est-ce qu'il fait? Si, il y a une Vespa. Enfin, qu'il passe à côté, il passe à côté. Les rescapés de la chair, même sans émotion, pleurent les bonjours. Ouais, c'est très bon. Merci beaucoup. C'est très beau. On va acheter ton recueil. Ouais. Ça nous a marqué pour la vie, ce moment-là. Ouais, puis le moment le plus marquant après, c'est quand il est revenu avec ses crises de recueil, puis qu'on a acheté par politesse. Ben oui, toi. Parce que c'est con. Hein. On a un appel. Oh shit. Les. Je t'en veux de me tuer. Les sorbets du caractère. Ta gueule! Allô? C'est qui? Ta gueule! Qui ça? Ta gueule! Mimouche! Ah, blablabla! Ok. T'es con! Je peux te. Pourquoi t'appelles? Je peux te t'aider? T'es con! C'est juste parce que je suis con! Ben là, je peux te faire de quoi pour toi? Je peux te. T'es con! Ta gueule! Je peux te. Mimouche, ça vient d'où c'est ton lait? Mimouche! Hey Mimouche, écoute, t'as quelque chose. Ta gueule! T'as-tu quelque chose à plugger? Ta gueule! Un projet, quelque chose? Ça t'a dans la tribune? Climou! C'est dans le titre, j'espère! Moi, j'ai passé dans ton nom, toi, Mimouche! Mouche, pas mou! Mouche pas mou! Hey Mimouche, je pense que t'es mon personnage préféré à vie. T'es pas chier! Ok, salut tout le monde, on va accueillir le prochain, un humoriste qui fait juste de mauvaises blagues de chien. Et on l'accueille! Hey, salut tout le monde, ça va bien? Savez-vous c'est quoi la chanson des Spice Girls préférée des chiens? If you wanna be my schnauzer. Merci tout le monde et on se revoit Nice. J'ai pas dit que c'était. Mais c'était, ça c'était live hein, de la. C'est la petite cave au sourire. Ben ouais, on n'a jamais parlé c'était où, mais c'était la petite non, cave au sourire. Non, c'est un open mic, ouais, c'est la petite cave au sourire. Ouais, c'est compliqué, mais ça, les open mic, là, sont bien spéciales parce qu'ils durent une blague. Ouais, t'as une blague. T'as ça une blague, pas, tu t'en c'est vas, ça. Tu peux jamais retourner. Ça, puis le truc, c'est que ça arrive jamais. Fait que c'est toujours non, une blague. Non, mais c'est genre, ils rentrent comme 6 personnes, c'est le monde qui participe, ils veulent pas rire parce qu'ils veulent que tu t'en ailles. Non, c'est ça, ben, c'est rendu ça la soirée. C'est comme le monde s'assoit ouais. Là, puis ils se croisent les bras, puis ils réagissent pas. Hein. C'est ça. C'est genre le cabaret des souris, mon cul. C'est quoi? Place des petits souris. La cave des petits sourires. Cave des petits sourires. La cave des petits sourires. Petits sourires certains, ça fait juste ça, des petits sourires en coin. Ouais. Des petits sourires. Ouais, parce qu'ils rient de toi, les Chris. Hey, c'est fou qu'ils laissent les chats rentrer à l'hôpital. Je trouve ça drôle aussi qu'il y ait comme. Je suis tellement content. Il y a comme 4-5 chats dans. Il vient de temps nous voir, c'est malade. Mais dis. Au moins ça qui va bien. Lui, parce qu'il fait ses griffes sur ton plat, c'est pas grave ça. Bah non, ça va, là. C'est pas pire qu'il fout tes cassettes. Ouais. Tu sais, je pensais t'amener des fleurs, mais là, avoir toutes les chats, ils auraient tout mangé. Je suis content de t'avoir rien amené à part des cassettes. Un bouquet de cassettes, quand même. Ouais. J'aime ça, je vois que ça te revigore là, plus qu'on en écoute. J'en mettrai un autre. C'est la dernière. T'as une surprise. Cette émission est enregistrée devant public. Hey, coupe donc mieux les oignons, tu peux. Ah, je fais ce que je peux, mais je les coupe avec ma chaussure! Oh, petit père! Oh, oh! Qu'est-ce que t'as mis dans la sauce? Ça goûte un peu bizarre! Ah, oh, ben, c'est ta mère qui m'a dit de mettre du tapioca! Du tapioca? Oh, attends, peut-être que je me suis trompé! Je pense qu'elle me dit. Tu tapions encore tes pieds, ça me gosse. Oh, maman. Oh, est toujours pareil, les femmes. Oh, oh ça sonne à pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est vous, Tipe? Moi-même, en peau et en biscuit pour chien. En os! Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Je veux un pot de sauce. Oh! La sauce! La fameuse sauce! Attends! Oh! Mais où est la sauce? Oh non, c'est pas le méchant Pomploin! Ah ah! Ah! C'est moi le méchant Pomploin! Je vais partir avec votre sauce! Ah! Oh non, notre sauce! Et je pars à l'instant! X sauce! Ah non, j'ai pas un point parce que la sauce à mer! Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Une heure avant le concours, faut que ça mijote des jours! Oh! J'ai une idée! Remplaçons la sauce par un porc épic! Oh, super! Hey, salut tout le monde, c'est Maurice. Aujourd'hui, j'essaye le live Facebook. Fait que je vais attendre que le monde arrive avant de commencer. Salut Benny. Hey, on s'en reprend ça pour la bière, hein? Hey, salut Gilles. Hey, c'était beau ton coat, c'était ta photo de profil. Hey, salut Marc. Maman, je suis content que tu sois là. Ah ouais, on refait ça, hein? On va attendre qu'il y ait du monde avant de commencer avec l'actualité. Hey, salut José. Tu m'enverras un autre plateau de pâtes, hein? Je m'ennuie de ça. Hey, salut Marion. Hey, Maurice, chérie, c'est toi t'es... Oh, excuse, t'es-tu ton Facebook? Ouais, excuse, je suis en train de faire Facebook Live, là, j'attends que le monde arrive. Oh, excuse-moi, bébé. Ben, va m'écouter dans le salon, tu vas me voir. Ok. Hey, salut Bertrand. Hey, faudrait t'en faire ça, la beuverie de l'autre jour, hein? Hey, salut Marcus. Il est beau ton bébé. Là, on va attendre que le monde arrive avant de commencer à faire l'actu. Hey, salut, Christian. Hey, Christian, hey, ça, on a fêté, moi et Christian. Hey, salut, Jeannot. On va attendre que le monde arrive avant de commencer à le faire, là. Hey, salut, Beaupré. On l'appelle Beaupré, mais son nom de famille, c'est Christophe. C'est bizarre, là. Mais Beaupré, il va s'en connaître. Hein? Si les chats. Hey, Chris. Hey, salut, Petit Paul. Petit Paul, la joke, c'est qu'il est grand. Il est vraiment grand. On l'appelle Petit Paul entre nous autres, entre chums, tu sais. Hey, ben, Chris Seb. Hey, salut Seb, content que tu sois là. Hey, salut, Jipper, Coucoui. Jouer fair. Pas le droit de mordre. Pas le droit de donner coup de pied. Vous arrêtez quand je vous le dis. Touchez vos gars si vous le voulez. Sinon, go. Ping, ouais, t'arraches à la tête aussi. Alors, cette fois-ci, pif, sur paf. F1, pif, paf, paf, pif. Évidemment! Pif paf! Ah, Chris, vous faites ça de même, ça? Ben, je sais pas, je me disais que peut-être, genre, que, tu sais, comme tu mets des bruits de monde qui se tape sa gueule, pis là, les commentateurs qui commentent. Ah, c'est peut-être plus clair que de faire c'est pif. C'est vraiment trop, ouais. Je l'avais déjà trop préparé, ça, qui arrive. Ben. Alors, c'est ça, F1, s'en vient ici de défendre son titre de poids gland. On se rappelle. Moi, je le trosse pas. Ah non? Moi, je te le dis, je le trosse pas, on l'a vu des... On l'a vu dans l'entraînement, là. Tout le temps un peu accroupi, pis tu check, genre comme. Il nous semblait fragile, un peu. Putain, les gars, là, moi, boxeur, je connais ça, là. Toi, t'as fait 30 ans quand je fais cette émission-là avec vous autres, les gars. Pis j'ai vu d'autres, pis. Moi, je regarde Fling Flang. Ben oui, mais Marcel. 8 de 100 on n'est pas là 30 ans, Marcel. Moi, dans mon époque, quand j'avais un boxeur sur le ring. J'ai vu ça, moi. Avec les boxeurs, ils se battent avec un boxeur à la fois. Avec ta corde de cheval. Un boxeur, il y en a un tout nu. Ben écoute, là. Marcel. T'étais pas là. Écoutez, si on se fait à l'affiche de F1 ici, le pourcentage est très clair. F1 se bat toujours contre des combattants vêtus. Il est louche. Ben ça, moi, j'ai une affiche de F1 et j'ai un char dessus. Marcel. Gilles Villeneuve, là, c'est quoi ça? Moi, quand je boxais le temps avec un corde de cheval, puis d'année, puis écoute, ça se passait pas de même, hein? J'ai vu ça, moi. Tu penses que c'est qui gagne, Marcel? Le gros. Veux-tu miser ta cheville? Ta cheville? Ta cheville? On mise une autre cheville. Même la cheville. C'est pas la première fois que je mets ma cheville en jeu. Écoute, en 30 ans, dans le temps avec. Un cheval. Oh, et tout un uppercut ici asséné par Verlang. Hey, on a un appel, je pense. Oh, oui, allô? Hey, c'est moi, Monsieur Q-Tip. Q-Tip, oh, non! Attends, je dérangerai pas longtemps. J'ai... mal au ventre, ça va? Non, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube. Je fais des reviews de Q-Tip. Je voulais aller sur www.youtube.com slash Monsieur Q-Tip Reviews Q-Tips. Je vais te partir. Ok, gars, je vais prendre. Je vais coller le micro sur mon ordi. Je vais. Attends. Je vais te faire jouer une vidéo. Hey, allô, bienvenue à vidéo de review Q-Tip. Review de Q-Tip. Première review, les cotons-tiges équates du Walmart. Je veux dire que je les ai essayés hier. Pour ce qui est de la fermeté de la ouate au bout de la tige, je vous dirais que c'est un 5. Monsieur, on va aller, l'adresse, puis on vous rappelle. Attends, c'était le bout. Les gens iront voir le vidéo. C'était le bout du time-lapse de Q-Tip. Attends. Ah, super. Donc, l'adresse youtube.com/Q-tip review. Oui, review Q-tip. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci. Bye. À la fruiterie, Pépin. On vous promet que vous allez pas être frustré. Même les Anglais capotent quand ils viennent ici. Ils sont It's free, it's free. Tu manques jamais de rien, ananas assez. Moi, j'aime assez ça, magasiner-là. Je m'en peux plus. Un excellent choix de pruneaux, même des prunes feu puis des prunes vent. Tout le monde magasine ici, manque juste toi. J'achète mes fruits chez qui? Oui, chez Fruiterie Cossin-Chose. Mon papa, il mange pas de viande. Il vient ici puis il fait pastèque. Moi, j'aime ça parce que c'est pour tout le monde. Autant les gars que les figues. J'suis allé l'autre jour m'acheter des avocats, une avocate. Il y a tellement de fruits partout, on dirait que les tuyaux fruits. Ici, nous avons toutes les sortes d'avocats. Nous avons même les avotés, les avo-s. Me suis fait référer ici, c'est les meilleurs qui me l'ont dit. Le gérant, il est vraiment gentil. Chaque fois que je vais à la caisse, il vient puis il me châtaigne. Moi, ma fruiterie, c'est super facile à trouver. Nectarine là, tu vas la trouver tout de suite. Ah, je te dis que cet ananas-là, je me le rentrais dans raisin moyen temps. Papaye, est-ce qu'on peut aller acheter des fruits? À date, c'est la meilleure fruiterie. Hey Chris. Ouais. Ok, allô tout le monde, ok, là, on va accueillir un humoriste qui fait juste des jokes de vieux musiciens québécois. Ok, on l'accueille! Wouh! Hey, salut tout le monde, ça va bien? Ouais. C'est à vous. C'est pas que je réponds. Ah ben merci monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi l'humoriste. C'est à vous, ce qui commande Jerry Boulet quand il va au Tim Hortons? Non. Ah, Chris! Calisse, monsieur. Monsieur, c'est à vous, qu'est-ce que... Là, je vais poser une question, mais faut pas répondre, s'il vous plaît. C'est de l'humour, c'est... Le principe, c'est censé être one way. Moi, je suis sur scène, je fais un travail exemplaire, vous écoutez... C'est... C'est un peu ça le principe coup de la chose. Mais... Merci, lui il a compris, mais pas pendant la joke. Ok, qu'est-ce qu'il commande de Jerry Boulet au Tim Hortons? Un muffin back! Merci tout le monde! Bonne soirée! Ouais, vous autres vous êtes random. Hey! Ok, segment random! Hey! Je te laisse acheter de thé! Ah ouais, moi les ananas, j'aime mieux ça dans l'espace! Pam, je tire des lasers! Des lasers! Pam! Piou! Oh. Ah, je suis un canard, mais dans coin! Coin! René! Prends la branche! Coin! As-tu vu des caleçons dans l'étagère? Non, je vois pas, j'ai pas de lunettes! Mes lunettes, normalement... sont en steak! C'est des écrans d'ordinateur bleus! Moi, j'suis un steak, j'ai des pattes, je m'appelle Rory. Est-ce que t'es cuit? Cuit comme un oiseau? Comme un oiseau, genre un oiseau comme un couteau? Comme un couteau, comme un cercueil, comme une banane? Avez-vous vu la belle... Gargarisé Cactus. Hey, salut, c'est moi, Roger Cactus. Je vends des aspirateurs. Oh, est-ce qu'ils aspirent bien à devenir meilleurs? Non, pas du tout, car... Glu. Les fruits sont cuits. Bois. Poisson. Des casquettes. En glu. Un visage de... Muffin. La fenêtre des astres d'un pinceau rempli de boîtes. Moi, je suis déjà allé la fin de semaine, un lundi. Il me fait très beau, hein? Moi, j'aime pas ça. Les gros réseaux. Ça me fait un peu peur. Hey, ton seul sonne. Ouais, juste. Je sais pas, je sais qui, j'aime autant mieux le laisser sonner. C'est qui? C'est. Ah, c'est ça, Carl. C'est Monsieur Q-Tip. Oh, tu penses vraiment qu'on est là? Je vais l'envoyer sur ma boîte vocale. Écris, je suis dans les plates, là. Donne-moi une chance. Dis que avoir donné mon numéro personnel à tout le monde du podcast, mauvaise idée. Ah ouais, c'est pas la seule. C'est comme 15 fois qu'il m'appelle aujourd'hui. Peut-être que j'aurais envoyé une badge de cassette à lui aussi. Penses-tu que le monde aimerait ça? J'aurais peut-être. J'aurais peut-être mettre ça sur internet, les cassettes de même. Ouais. Ça a de la valeur, ça. Je pourrais spammer sur tous les groupes Facebook que j'ai sorti des cassettes. Mais je pense qu'on a juste à dire que c'est bon, pis ça l'est. C'est que ça qui fait que c'est bon. Tu trouves pas ça bon? Je t'ai emmené des cassettes de ce que. T'avais du plaisir là-dedans? T'aimes plus ça? Bah oui. Bon. Hey, tu m'as fait peur, là. Sur le coup, je pensais que ça te faisait chier. Mais t'en faire jouer. Il m'en reste une petite dernière. Ok. C'est un hélicoptère, pis y'a du feu! Ok, fuck, man! Capitaine, y'a du feu! Éteins ça, Gabriel! On fait pas de feu dans un hélicoptère! Ben oui, mais je voulais manger des guimauves, pis C'est pas une top! Ben, top? Ouais, ben... Vous dites top, vous, Une top à feu! Personne dit ça, top, Une top à feu! Moi, je viens de Saint-Canton, des Ouest. Peux-tu je répète? J'explique pas c'est quoi, mais je peux juste le dire de plus en plus fort pour être sûr que tu comprennes. Une table à feu! Table à feu! Ok, capitaine, je vais éteindre le feu, mais là, je vais sortir le robot qui éteint les feux, il est dans le tiroir. Ah non, attends, non! Non? Il y a un jet qui s'en vient, un jet avec des fusées. Il y a des lasers. Ben là, il s'en vient sur nous autres. Sors le robot à fusée laser. Ben, c'est pas le même? Ouais. Ouais, non, justement. Regarde-le, on s'en fout du feu. Chris, le feu en dehors avec un coup de pied. Ah! Oh, c'est vrai que c'est pas là, Chris. Il aurait pu faire 20, capitaine. Il y aura un feu, il est pas en feu. Ben là, ok, ben, je peux. Ok, ben, un feu. Bon, ben. Nous autres, des cantons de l'Est, ça se passait pas de même. Hein. Ben, c'est quel tiroir faut jeter pour le robot à fusée? Le troisième. Ok. Un, deux. 3, fallait pas que j'y rouvre les 3, hein. Non. Je suis pas capable d'accéder, je regrette un peu. Ouais, parce que là, ça va regarder d'aller dedans, l'autre au-dessus va être ouvert. Non, c'est ça. Sinon, tu vas te pincer les doigts en allant le chercher parce que le tiroir est encore fermé. Ah, c'était pincé, hein. Tabarnak. Ça saigne-tu? Ben, un petit peu. Suce fort. Écoute, ça saigne, hein. Jésus. Ok, je suis allé. Oh shit, c'est pas un robot comme je suis habitué, ça. Faut-tu que. Ah, c'est une trop pitons, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ben, il y a une languette en arrière, je pense. Où tu tires un peu. Ah, il y a peut-être un peu de qui va sortir, là, mais. Ouais, tire d'un coup. D'un coup sec. Je vais le mettre un petit peu loin de ma face, là. Hello! Ah! Il twist un peu. Ouais. C'est sûr, c'est pas un. Hello! Ok. C'est sûr qu'il va aller. Faut-tu tenter de finir pour tuer la fusée? Okay? Hello! Tabarnak, robot? Commande, détruire fusée. Hello. C'est qui dit hello, man? Ça sonne comme si c'était sur le toit. Je pensais que c'était le robot, moi, c'est pas lui. Hey! Ça tombe vite là-dessus, descendez-moi! Je crois que c'est Zélis, man. Je vais regarder dans la fenêtre comme. Allô? Ben oui, toi, il y a un gars accroché sur l'hélice. Chris, dans le premier tiroir, il y a notre robot à monsieur sur l'hélice. Oh, tabarnak. Tu fermes le troisième? Non, c'est bon, c'est correct. Tu peux te rendre dans le premier. Ok, je vais ouvrir le premier. Ah, calé, là, tu vois, ça a tout débalancé de même. Mais Chris, là, il vient de tomber. Tout vient de tomber à ta tête un peu. C'est pas pincé les doigts, là. C'est parce que tous tes robots sont à terre, Chris, là. C'est quel? Il dit bien-tu la couleur du robot? Pas exemple au hasard. Ouais, c'est vrai. Ok, là j'ai les mauves et les picots rouges. Moi je m'en rappelle plus du code de couleur, je suis daltonien. Celui qui a le bras droit qui twist. T'as pas été plus que ça. Ok, ouais, je twist de même. Ok. Ah non, c'était le robot à fin de l'impro de podcast. Tu as tout défermé, hein. Ouais, ben là, il y avait une intrigue, on saurait même pas c'est qui le gars sur l'hélice. Ouais, ouais. C'était peut-être Hélice Marquis. Hey, toi, t'as-tu peur d'être dur quand tu te fais masser? Man, je suis tellement concentré pour pas être dur, là. Genre, je veux ouais. pas que Julius ait des idées dans la tête, là. Comme... Parce que là, on est sur le ventre, mais... Ben, tu sais, je suis correct, là, mais faut pas que j'aille trop loin dans ma tête, là. Pis c'est pas parce que c'est un beau monsieur, c'est juste parce que c'est des mains, pis je suis relax, là. Ouais, c'est... À un moment donné... Ils savent ce qu'ils font, hein. Ben, Chris, il est toujours aux bonnes places, en tout cas. Mettons que j'espère ouais, pas dépasser mi-figue, mi-raisin, là. Hey, des fois, ah, oh, des fois, il pèse pis... Oh, oh, non, oh, c'est pas... Oh, boy, c'est... Oh, okay. C'est relax, hein. Ouais, non, excuse-moi, Jules. Oh, c'est correct, ça arrive. Tu sais, il se met après une pof quand il t'a pété. Oh, shit! Hey, là, cette semaine, ça ne dérougit pas le téléphone. Non, j'ai hâte de répondre à ça. Bonjour, bienvenue au sorbet du caractère mou. Bonjour, c'est la reine Elisabeth II. Chris, ça doit être vous. Vous avez dit votre nom. Exactement, je suis maintenant au Buckingham Palace avec mes chiens. On prend le thé. J'écoute les sorbets du caractère depuis votre premier épisode. Madame la reine, c'est un honneur de vous avoir à l'émission. Est-ce que je peux... vous, là, combien de toasts le matin? Ah, moi, vous savez, je suis vieille, j'en prends seulement une seule toast. J'ai une question un peu brûlante pour vous, madame la reine. Allez-y. Vous, votre opinion sur les gens qui disent rôti au lieu de rôti? Devraient toutes mourir, Chris. Ouais, je suis content qu'on s'entende là-dessus. C'est rôti, y a pas de U. Y a aucun U. C'est ça, exact. R-O, chapeau, T-I-E. Ça vient de quelqu'un que dans leur langue, ils écrivent color avec un U au lieu de color. Comme, hey, ça, c'est nous. Ben, c'est ça, mais... Meurs donc. Ouais, mais madame la reine, on se calme, là, s'il vous plaît. J'aime plus ça, les sorts. Ben, mourrez tous. Bon. Bye. Bon, ben, c'était Madame la Reine d'Angleterre elle-même. C'était clairement elle, parce qu'elle a dit son nom depuis. Exact. Que... C'est pile ça. Comment ça, donc, t'étais pas là pour lui poser des questions? Je sais que t'avais. Ben, j'allais pisser encore, là. Je me retiens depuis le début. Je pense que t'as une couple de questions à lui poser. Je vais la rappeler. OK. Allô? Bonjour, Madame la Reine. C'est moi, Madame la Reine. Où êtes-vous en ce moment au palace? Ben, je suis assis sur mon canapé, là. OK. Je bois mon thé, je mange mon porridge. Combien de chiens avez-vous, madame? Ben, on a une dizaine, je crois. Il va bien, votre fils? Ah, il va vraiment, vraiment très bien. Merci. Finalement, peut-être que j'ai peut-être trop jugé rapidement votre podcast. Je suis vraiment désolé. Ben... J'avais un peu déjà mieux ça. Vous êtes vraiment ouvert. Je suis vraiment content que vous me disiez ça, Madame la Reine Elisabeth II. Je vais vous laisser aller maintenant. Je sais que vous êtes fatigué. Au revoir. Elle est fine, hein? Ah, elle est vraiment fine. Une soie. Elle est très une commode. Soie. Eh ben blood. Eh blood. Ah, il parle à la reine en fin de semaine, eh ben blood aussi. On dirait que ça se peut pas de qualifier la reine de blood. La reine est blood. Guitare et roi. Si on l'accueille. Ben ouais, Gaétan, comment ça va? Par applaudissement, y'en a-tu ici qui ont deux yeux? Ouh! Hey! Ben c'est ça! Gaétan Mirouet avec les deux yeux! Sais-tu ce que j'aime faire avec ça, moi? Hein? Le matin, je me lève pis je me check dans le miroir! Ok! Gaétan Mirouet, mesdames et messieurs! Ah! Gaétan Mirouet, oui! Lui, il est fort parce que tu t'attends pas à ce que son père s'assoie sur ton bonhomme! Oh là là, les Olympiques, Mathieu! Hey, 2018 à Pyeongchang, le hockey. Quel... Ouais. Le hockey contre... Quelle année? Canada, République tchèque. Ouais. Hey, le coup de... Le checké. L'épaule. Ouais, j'ai tout vu. Moi, j'ai tout checké. Moi, je regarde... En fait, j'ai l'air pas concentré, là. Puis je regarde les Olympiques live, là, pendant qu'on enregistre. Peux-tu nous live commenter ça? Ouais, ben le gars, il tombe en snow. Ben, c'est déjà passé, le snow. Non! Et ça, c'est la... Il y en a d'autres, là. C'est les nouveaux snows. C'est la nouvelle compétition cette année. C'est les nouveaux snows. Puis en fait, les snows sont en forme de... Au lieu d'être une planche, c'est comme une boule. Ah! C'est compliqué, mais il faut un peu qu'ils roulent... En tout cas, un peu comme Super Monkey Ball, ou ben, ils sont dessus ou dedans? Ils sont dedans. Ah, c'est nice. Ça. C'est pareil, mais en fait, c'est exactement comme Super Monkey Ball. Il manque juste les bananes d'eau, là. Sauf là, c'est Super Human Ball? Non, c'est Snow 2. Ah, OK. Ouais, ils ont pas cherché loin, mais c'est ça. Là, tu vois, là, il y a Maurice Plexky, suédois, là, il tombe, là, il roule, puis il y a de la misère en tabarnak, là. OK. Ouais. Ouais, c'est nouveau, hein. Les athlètes sont pas top top. Ben ouais, on a un extrait, je pense, des deux commentateurs qu'ils parlent, là. Okay. Je vais acheter le micro de la télé, là. All right. Oh, oui. Maurice s'approche de la ligne d'arrivée. C'est une belle ligne d'arrivée, ça. Oh, OK, on start maintenant. Il est tombé, mais hop. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont de la misère un peu à se stopper avec ça. On se rappelle, aux Olympiques de Sochi, lui avait fait un flip 360 toaster, puis ça avait pas passé. Non, c'est ça, mais c'est en snow 1, ça. T'es arrivé 7e dans le snow 1 au Sochi. Ouais, là, c'est le snow 2, là, il tombe. Là, c'est, je pense il a l'air d'avoir du sang dans la boule. Mais si on regarde comme faut, le sang, ça fait peut-être partie de son numéro. Là. Ah, peut-être. Si on peut regarder. L'état de la boule se stabilise, là, on peut voir un beau rouge vin assez constant. Ouais, ça a l'air pas mal égal partout. Il commence à dessiner avec le sang. Oh, H-E-L. Ah. Je pense qu'il est en train d'écrire... Hello. Hello. Hello. Hey. Un L à Hello. Hello. Bon, Hello. Le O est un peu mal formé. Ah, je vois ça, il y a comme une barre dans son O. Ouais, ben c'est, en même temps, faut comprendre, dans une boule, t'écris Hello, puis ça roule tout le temps, là. Oh, il est tombé dessus. Passe à côté de la banane. Bah. Un 360 flip backside on the trench. Là, c'est le jump. Là. C'est le gros jump. Il peut tomber dans le vide infini. Le jump qu'il appelle ici la petite chaudière. Hein. Ouais, exact. On se rappelle. OK, non, il l'a réussi. Contrairement au compétiteur juste avant, Miguel les chemis, qui est tombé dans le trou infini, en fait. Là. Qui tombe encore, d'ailleurs. Ouais, exactement. Là, il... Il a l'air plus de tomber dans la boule. Il contrôle plus grand-chose. On me dit ici qu'il serait dans le coma. Ouais, évidemment, le coma est quand même une partie intégrale du Snow 2, qu'on se le dise. Là. C'est le quatrième. Exact. Le but, c'est vraiment juste de bien gauger la chute au départ. Mais quand vous perdez connaissance, c'est après ça d'espérer d'arriver à la fin. Mais trop de gens sous-estiment la butte au départ, là. Le saut de... Parce que le premier jump du tic, puis quand ils essayent tous de faire un backslide, flip de branches, ça fonctionne pas, là. Non, puis toute la première ligne de banane sur le premier jump que la plupart vont rater parce qu'ils essayent d'autres de se concentrer, juste se rendre à la fin puis de pas attraper des points pendant. C'est une question de degré. Ça nuit. T'es 10 degrés désaligné au début de l'axe, puis il y a rien à faire. Là. Non, c'est fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pas le fun. Ah bon, il s'est rendu à la fin, mais un peu trop vite. Il est parti l'autre bord, il est tombé. Bon, ben, adieu. Mais il rentre dans le terrain de curling. Ben, pour suivre Maurice, il va falloir aller sur RDS2. Où, en fait, c'est la partie de curling qui se passe en ce moment. À l'aquarium de Matane? Matane pas d'aller là? Il y a beaucoup de vagues, mais il y a aussi beaucoup de concret. Des belugas? Il y a même des beloufilles pis des beloutrans? Moi, je suis allé voir les méduses. Moi, je voudrais les métruses. Vous empêchez de voir nos tortues? Ça serait de la torture. Un spectacle de requins qui font des tours, c'est complètement requin-bolesque. Nager avec les dauphins, maintenant sans danger depuis le retrait des dauphins. Venez voir la nouvelle baleine, mais aussi la nouvelle manteau cuir. Vous voulez venir nous voir en train, profiter du forfait Via Corail. Venez à notre restaurant, essayez notre menu à la carpe. Venez toucher nos raies. Oh non, non, pas pour celle-là. Hey, je pense que ta machine à... Mathieu? Mathieu, t'es-tu là? Ah, fuck. Ah, man, une chance, j'ai tout enregistré ça, man. Une mort dans un podcast, ça doit être... Ah, c'est du gold. C'est tout du gold. Yo, yo! Hey, c'est le rap du cardiogramme. Mathieu, il est mort, pis c'est pas gramme. Parce que moi, je rappe... Aïe, ah, man, voyons. Tu rappes sur mon cadavre. T'es-tu que... T'es un fantôme? Ben oui, toi, je te parle d'outre-tombe. T'es en train de rapper sur mon cadavre, sur mon cardiogramme qui... C'est la misère à parler en fantôme. J'aurais pensé qu'en fantôme, je serais meilleur, mais non, hein. Ah, veux-tu... Hey, ça va être tout un chiard si on renregistre des épisodes. Moi, en fantôme. Ben, je pense... Hey, faut que j'y aille, drôle matin. Drôle? Chaud! Rendu un spectre? Mathieu, explique-moi de ta... Tu... Comment c'est la vie après la mort? Parce que je peux te parler avec Ouija? Pourquoi ça cogne? Bonjour, monsieur. Je veux de la sauce. Voici maintenant 40 minutes de matériel supplémentaire à la demande de personnes, une belle grosse poignée de bisaïdes pas drôle. Waouh, wow, wow. Malade. Un gros merci et on se revoit à la fin de l'éternité. L'éternité. L'éternité. L'éternité. L'éternité. L'éternité. Mangez tous des caca lolol blue gasbla monsieur cutigera pour la vie manger mon poil pouilu au pa caca fa fou fou ne fou fenouf fou foun caca garar la la claque sorbet poulet allo salut bye tabarnak poil zoudo pas non mais le podcast c'est bon hein les podcasts opinion lololol sans peau sans pignon tabarna donnez-moi Patreon postez Facebook partout causez les gens spam spam moi le plus de like clic et des moi fox no ta bestie. Ouais, c'est des Crosby. Allô, les sorbets du caractère mou? Hey, mes gros tabernacles, hosti. Hosti, dans le train de rire de notre sport. Hey, hosti, on met tout notre cœur sur la glace. À qui je parle, là? C'est Nick Crosby. le vrai ou? Je m'appelle Sidney Crosby. Pour moi, c'est vrai. Ok. Tu sauras, on est gentil pis on a le cœur gros. On met tout sur la glace. Quand on patine, pour lancer le palais dans le but, toute l'équipe, on travaille fort tout le temps pour faire ça. Puis là, vous autres, vous riez. Les cœurs. Non, mais c'est une satire qu'on fait, c'est pas... Satire la POC. Ben, ça se peut, écoute, on connaît pas les règles. Chris, t'as rire de moi. Je sais pas si t'as remarqué tantôt, ce qu'on disait sur le truc de sport, c'était comme pas vrai. On inventait des trucs à mesure, il y avait rien de vrai, là. Justement, vous franchissez la ligne dans la vérité. Moi, ben, ça m'insulte. Ça vous confus-tu, ça? Je suis confus! Fait que vous êtes confus, mais là, c'est pas... Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour s'excuser? Dites la vérité pis montrez qu'on a du cœur. On joue, on met ça, t'sais, on joue. Vous jouez, vous? Vous jouez à quelle position? Moi, c'est à l'attaque, ou ok? C'est mon bâton, pis ça a pas... Ça a pas collé fort, moi. Ouais, vous avez un bon tir. Dans le but! Ben, c'est là que ça va, hein? Ouais. Ça tire, colis. Okay. Ben! J'avais demandé si... Ah, il était... Articulé, hein? Il était drivé du colis, hein? Il y en a du cœur. Cette émission est enregistrée devant public. Hey, j'ai encore des épines dans mes mains, toi. Hey, papa. Oh. Oh. Ouais, mais c'est juste pour que la mère remarque pas que la sauce ait disparu. Allô? Oh. Ouais, bon, maman. Ah! Mon petit Pierre-Paul. Ah, petit père. Ah, salut, la mère. Ah, hey, je vais aller brasser la sauce. Hey, tu peux me le laisser, maman? Non, je veux brasser la sauce moi-même, tu me sais que je commence... Papa, aide-nous, tasse-la! Faut pas qu'elle voie que la sauce est plus là! Hey, non, touche pas la sauce! J'ai donc gardé! Oh, phew, sauvé par la cloche! Va donc ouvrir, la mère! Ok, tout de suite! de Mitter. Bonjour! Je veux de la sauce. Ah, tout de suite, monsieur! Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Faut donner de la sauce au monsieur de la sauce, puis on n'a plus de sauce. Oh, j'ai une idée, papa. Va au dépanneur acheter de la sauce. J'y vais, en fait, papa. Ça va être trop long. Allez, je cours. Hop! Ah! Hé! Pierre-Paul a sauté par la fenêtre! Ce sera pas long, monsieur Sauce! Parfait, je vais attendre pour la sauce. C'est comme mon nom, c'est pour ça que j'aime autant la sauce. Venez vous asseoir sur notre divan, monsieur! Est-ce qu'il est fait en sauce? Non, il est fait en... Il est fait en ressources de synthèse! Mais c'est quoi sur le divan? On dirait un plan... Avec un point. Ah! Ah! Vous m'avez masqué! J'ai volé votre divan! Ah! C'est moi, plan point! C'est le méchant qui arrête pas de voler... Oh! Non! C'est la première fois qu'il vole quelque chose! Je ne connais pas ce monsieur! Et j'ai... Non seulement j'ai volé votre divan, mais je suis sur le point de faire exploser le dépanneur! Oh non! Oh non! Hey, bienvenue à l'émission de cuisine! Bienvenue à l'émission de cuisine! On est avec Mathieu! Bonjour, et Stéphane! Et moi-même! Pour cette semaine, Mathieu, qu'est-ce qu'on cuisine dans nos cuisines? Un sorbet au caractère. Oh, ça c'est... Ça vient... Du caractère mou. Ça vient d'où, ça? Hey, ça, là, ça vient de mon grand-père. Oh, est-ce que notre recherchiste a trouvé son grand-père? On fait signe que non. Il est décédé. Il n'aurait pas parlé beaucoup. OK. Est-ce que le recherchiste savait ça? Oui, ça fait signe que non. Mm. Fait que là, comment... Là, on est dans un décor de cuisine, mais tu sais, si on tourne les caméras, on voit très bien qu'il n'y a rien, là. Mais... Ouais, donc, ça se fait... C'est une recette assez complexe, ça se fait en deux étapes. Ok, mais c'est, oui, attends, veux-tu prendre la caméra qui mets-la qu'elle filme le comptoir. C'est fait. Okay. Donc premièrement, on fait un sorbet. Donc on prend du jus de fruits et on le congèle dans une sorbetière. On a-tu des infographies? On me fait signe que non. Y a pas. Ok, continue. Donc une fois qu'on a notre sorbet. Là, c'est l'aspect du caractère mou. Ça, en fait, c'est la personne qui fait le sorbet, il faut qu'elle ait un caractère assez mou. OK, là... Donc, faut vraiment que tu te fasses, genre, malmener par tes parents ou quelque chose d'autre pour dire « T'es ben mou, toi, Chris! » Est-ce que... Pas de colonne! Y a-t-il d'autres facteurs? Est-ce que c'est faux que nos parents soient contre nous? Est-ce que tu peux te moumifier toi-même? Tu peux te moumifier, mais si c'est quelqu'un d'autre, c'est plus facile. Disons que moi, je suis chez moi, puis je fais comme « Je mangerais un petit sorbet du caractère mou, je peux me moumifier chez moi, là. » C'est pas... Ouais, juste à te regarder un peu dans le miroir juste avant, puis il y a comme une petite poussière blanche qui sort, je pense, genre je perds des bouts d'âme. Mais c'est plus il en sort, plus le sorbet est bon. Parce que moi non plus, je le dis plus, je l'ai écrit comme en sang sur mon miroir. Ouais, c'est ça. J'ai un chapitre au complet sur mon miroir, moi. Un chapitre complet là, pour faire un sorbet. On a congelé le sorbet. Là, si on sort, on avait préparé un préalablement? Facile que non. On va attendre qu'il congèle. C'est, dites-nous votre sorte de yogourt préféré, ça nous intéresse quasiment. On pourrait faire un sujet complet la semaine prochaine là-dessus sur une... Hey, on en appelle. Shit. Bonjour, bienvenue au sorbet du caractère mou. Allô? Allô, à qui qu'on parle? Lactose Bob, allô? Lactose Bob. Ouh! Ici. Je vous ai entendu parler de yaourt. Toi, c'est ça tu spawns quand on parle de yogourt, toi. Oh, c'est comme ça que j'apparais au téléphone, les yaourts! Ben, si j'imagine que c'est plus simple que de te téléporter, là. Ben, exactement, je suis pas capable de me téléporter! Je suis Lactose Bob, pas Futuriste Bob! Est-ce qu'il existe ou c'est. Est-ce comme un... C'est mon frère! Ok. c'est un pouvoir que lui a, c'est pas une technologie qu'il a de différent, là. Non! Chris! Non, il fait du yaourt! Il fait du yaourt aussi! Ben, ouais, mais. Il se téléporte! Tu fais-tu juste apparaître ou t'as comme un message à transmettre? T'es-tu... Je voulais savoir qu'est-ce que t'aimes dans le yaourt! Toi, t'as appelé, mais t'as pas écouté ce que Mathieu m'a posé. Moi, j'ai juste senti. Ça me chatouillait. Je savais que vous parliez de yaourt. Ben, j'ai dit à Mathieu, Hugo Robleuet, pis... Qui? Je suis pas tout seul dans ce podcast. T'entends-tu juste une voix depuis tantôt? Il y a deux personnes ici. Le Mathieu, il est silencieux. Moi, j'entends pas de voix. Ça m'a chatouillé dans l'œsophage. Bref, il y avait une autre personne tantôt. J'ai dit que j'aimais le yogourt au bleuet. Puis à Lime. Tu sais qu'est-ce qu'on dit? La Lime est bleuet. Vas-y. Dans l'univers du lactose. Qu'est-ce qu'on dit dans l'univers du lactose? Meurs! Voyons, Chris, c'est pas les bonnes sortes. C'est quoi les meilleures sortes qu'il faudrait que je prenne d'abord? Avoir su, je serais pas venu vous déranger. Mais il a été. Chris! Hey, hey, c'est sale, man, c'était quoi ça? Il juge mon choix puis il me donne même pas la solution. Oh, calice. Quelqu'un qui est venu sur mon basic. Hey, monsieur! Hein? Chris, venez ici. Hein? C'est toi qui est venu sur ma bécane? Préciser ce que bécane veut dire, s'il vous plaît. Un moto. Moto. Ok. Marley? C'est-tu Mathieu qui m'a expliqué à moi, derrière le personnage? Jean-Christ, je joue un attardé, mais là, t'assumes que c'est moi. Depuis... Ah, je suis blessé, là. Yo, yo, yo! Hey, c'est moi, DJ Q-Tip! Ok, bon là, on va rapper Q-Tip, ok! Yo, je m'en vais au dépanneur, pis je vais m'acheter des Q-Tip, parce que je n'ai plus pis, je veux me laver les poutres. Ah, je m'excuse, c'est pas... Yo, gars, t'as-tu des Q-Tip? Non, on mange de la gomme. Je peux prendre de la gomme. Je vais pas mettre de la gomme dans les oreilles. Yo, yo. Bip, hop, hop, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, hey, c'est moi Q-Tip. J'aime les Q-Tip. Mon personnage, il est one-sided. C'est que les Q-Tip. Il n'y a pas de personnalité. Moi, c'est Dr. Tige. Moi, c'est rare que je fige, mais au moins je tiens ce qui est mou pour que ça devienne dur. C'est moi qu'on appelle l'armure. Oh! Hey, Dr. Tige! Dr. Tige in the house 2007! Yo, yo, yo! Q-Tip! Des Q-Tips, c'est bon, sauf la nuit, parce que la nuit, t'es vois pas, pis tu les rends des yeux! Dr. Tige! Plaque-toi pas pendant mon... Hey, tu prends tout le temps le spot, monsieur Q-Tip! Ben... Tu me l'as jamais exprimé! J'ai vu ta face quand j'ai rappé! Ben, mais... Q-Tip, c'est un tout, là, toi, on s'entend qu'une tige! T'as besoin de Watt pour être de quoi, là? Je t'entends pas, Watt! Va chier! Ah ouais? Et toi, Et sur toi avec ta Watt, t'es aussi mou que ça! Mais t'es quand même... Toi, t'es... Tu penses de... Justement... Moi, je fige pas! Bye! Ça pourrait finir, là. Est-ce que ça va être mobile? Mais bonjour, bienvenue au service du caractère mou. Oh, tabarnak, encore! C'est-tu... Ben là, comment ça encore? C'est-tu un autre numéro sur le téléphone? N'as-tu un pour moi pis Mathieu? Ben non, Chris. Le face d'ailleurs, il est juste à côté du 1. T'es rendu... T'as écrit 9-1 pis... T'as ben fait oui. Face d'ailleurs. Hey, ok, ben on a parlé un peu tantôt, hein, fait qu'on veut t'aider pour vrai. Première question, c'est-tu vraiment C'est-tu vraiment un gun ou c'est un brocoli qu'il y a? C'est un gun, okay, Chris, wow. Que vous êtes pas drôle. Ouais, ben, je sais pas. Ok, deuxième. Tu penses-tu que c'est un professionnel, ça? Il a-tu fait souvent ou c'est un amateur? Il arrête pas de crier, pis il sue, je pense que c'est sa première fois. Vous êtes où, là, présentement? Dans une banque. Nice, je l'avais calé, asti. Tu l'avais pas calé, t'avais okay, dit bon. Un dépanneur ou une banque? Non, j'ai dit banque avant. J'ai dit que j'assumais que c'était une banque. C'est peut-être un dépanneur. Il est donc bien fatigant, lui, calice. Parle-moi, Stéphane. Bon, écoute. Là, t'as-tu... Qu'est-ce que t'as... On va y aller un peu Donjon Dragon. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Je suis couché à terre, face au mur, pour pas qu'il me voie parler. Il se promène dans le hall. Il attend que la fille aille ouvrir le coffre. Calice, que c'est long! Puis quand ils sont... Fait que t'es voix, là, ou t'es comme... Non, je regarde le mur! Ok, tu peux-tu jeter un coup d'œil voir si ils sont proches? Tant! Ils sont assez loin. Fait que là, y a-tu une porte proche? Je je me lève pas, Chris. Ben... Il y a un gun. Ah ouais, et ils sont en train de s'occuper de la fille. T'as-tu... Ah! Regarde. Non, il s'occupe pas de la fille. Il check en attendant la fille. Ah, OK. Ben, t'as-tu quelqu'un à côté de toi que tu peux y convaincre de sortir par la porte? Tu dis, hey, on va faire un plan. On s'en va les deux ensemble. Mais il y a juste lui qui se lève puis se fait tirer. Là, tu t'en sers comme diversion pour te décrisser par l'autre porte. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un crapaud. Monsieur. Je m'excuse de rire de votre je situation. Je pense que vous avez le temps de sortir. Vous pensez, genoux. Pauvre monsieur. Mais là, Brazard est plus fringant, c'est-tu? Mais non, mais... Chris. Mais non, Chris, il a déjà tout vécu sa vie, c'est pas grave. Ben oui, mais si t'en prends un plus fringant, il va pouvoir courir plus vite. Là. Lui, s'il se lève, il se fait tirer à côté de toi. Chris, il est parti! Oh, tabarnak, il a réussi à sortir. Oh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il courait vite, ben, quoi? Il est juste sorti. Bon, je peux m'en aller. Il va pas me tirer dessus. Ben... POW! Hey, c'est fini. Est-ce que c'est pas drôle? Moi, une orgie, je trouve ça dégueulasse, là. Genre, je serais pas capable, là. Est-ce que tout le monde veut être poisseux? Je sais pas si. Toi, Marcel, t'as-tu. Ouais. T'as-tu une expérience de même? Peut-être pas d'orgie, là, mais genre de trucs un peu sexuels ou back, là. Mm-hmm. Genre, qui t'est arrivé, genre, comme là, pas tant longtemps, comme récemment? Pas nécessairement récemment, mais écoute, un moment donné, on m'en va au IGA à Saint-Hilaire. À Saint-Hilaire, c'est ouais. Précis. J'ai vu des images de ça il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Tu sais, il faut que je le dise. Moi, j'ai eu des affaires, tu sais, parce que je fais un livreur de poulet. Je viens livrer du poulet. OK? OK. Est-ce que c'est random? Puis là, je commence à penser. Puis là, j'ai chaud. Et est arrivé un Français. Quoi? Que je connais pas. Ah ouais? Alors, il me dit, comment ça va, toi? C'est drôle. Il a pas dit, oh là là, ma baguette! Comment? Puis là, ben, je sais pas trop ce que je fais, là. Tu sais, puis. Il m'ouvre son jacket et me montre ça, mon gars. Ça va de là dans le collier noisetier. Ben non. Il va faire une crosse. Direct demain. Ouais, comme ça. Et là, mon gars, je viens rouge, écarlate, comprends-tu? J'ai hâte à ça. Mais Lucie devait avoir hâte, là. Mm-hmm. Touche ma baguette! Puis pour pas avoir de regrets, faut pas attendre. Aïe, aïe. J'avais l'impression d'être vivant. Tu comprends? Je t'en demande. Bah. C'est plus bon. Ouais, même le sentiment d'être en demande, je peux. Moi, je serais pas capable. Non, ça, moi non plus. J'aurais peur que ça fasse mal. Ça fait mal. Il y a des gens qui. Moi, il y a un moment donné, une fille, elle vient me voir au début de la trentaine. Ouais. Elle m'avait dit, Marcel Leboeuf, arrête de niaiser. Il faudrait que tu me frappes pendant bien longtemps qu'une poêlonne dans le front. Mais non. Mais pourquoi? Elle dit, je sais pas ce que ça veut dire, Monsieur Leboeuf. J'aimerais ça faire ça. Ben, c'est ça. J'aimerais ça faire ça. Ouais, non, je comprends. Tant qu'à le faire, tu le fais pour vrai. Il fallait que j'essaie quelque chose. Ouais. Et là, mon gars, là, du plus profond de mon cœur. Je frappé de même. Mm-hmm. C'est anecdotique au bout. Je le sais, c'est anecdotique. Ouais. Mais, c'est une bonne anecdote. Hein. C'est pour ça que. Une bonne anecdote. Tu sais que c'est important de se dire les vraies affaires des fois dans la vie. Pis de, ben oui, on est là pour ça. D'être vraiment à l'écoute de toi, d'être dans. Je sais pas, dans ton corps. Juste pour, genre comme ça. Choc de pète, désolé, mais ouais, est-ce que ça avait de l'air fou ton affaire d'orgie? Ben, au moins, il n'y avait pas d'animal. Hein? Ça pourrait se faire. Tu peux louer les services d'un âne. Oh, Arc, Marcel, Arc, oh, oui. Voyons, c'est dégueulasse. Marcel. Calisse. Ah, ok, nouveau segment, blague de sang. Des jokes. Il y avait un vampire, puis il a dit, hey, ça a pas de bon sang. Calisse. Hey, c'est un vampire, il mange quelqu'un, il fait « Oh non, c'est du A positif! » Il aime pas ça. Ah ouais, c'est un vampire, il s'en va au Walmart, puis il fait « Hey, il y a des rabais de 20%. » Ça fait combien de fois que tu mords des gens pour boire leur sang? Ça fait 100 fois! Hey, t'as-tu encore faim pour un peu plus de sang? Non, sans façon! Ben, c'est tout le temps le mot sang. Ah non, c'est ça. Mettons que je renchéris pas, là, je fais juste refaire la même blague depuis tantôt. Hey, le vampire, il se fait battre par qui? Le vent meilleur. C'est Jean-Michel. Jean-Michel? Oui. Jean-Michel Anctil? Non. Ah. Je l'aime pas, lui. Pourquoi? Il a une grosse face? Aussi. OK. Parce que ma tante l'aimait, mais... C'était bizarre. Non, mais vous aimez vraiment pas le rock? Parce que je voulais me faire un groupe de musique. Je les aurais appelés... les rocs précieux. Ok. Ben ouais, les rocs précieux. Ouais. Ben écoute, moi, c'est pas qu'on aime pas le rock, mais il y a un ton qu'il faut pas aller chercher, je pense, pis c'est le ton un peu je fais du rock, mais ça rock pas. Ouais, mais c'est ça que tu... On fait du rock, c'est ça qui fait que c'est du rock. Ben. Je comprends pas. Faut écouter, élargir votre culture musicale, monsieur Jean-Michel. Ouais. J'ai écrit une chanson, j'ai appelé ça Rock Cara. Hey! Ok, je vais essayer de la, je vais la lire, ok? Ok, ouais. Hey, oh! Le rock! C'est bien précieux de conserver le rock! C'est comme un joyau! C'est cher! C'est comme si on allait le perdre à la mer! Je rock! Yo! Non, enlève ça! J'avais barré ça, excuse! Hey, je rock! Rock! Ouais, ouais, mais c'est yo, c'est pas rock, là. Hey, je rock! Rock! Ah, ça, c'est le refrain, ça? Ouais, c'est ça. Ok, ok. Hey, je rock! Rock! Trois fois? Ouais. Ok. Ben, en fait, après la quatrième, c'est rock! Ok. Puis? Ah, c'est... Ben, moi, en tout cas, je trouve qu'il te manque pas grand-chose à peaufiner, là. Ok. Le yo, c'est un bon call de l'enlever, je pense. Ouais, c'est ça, je me suis énervé un peu, là, ça... Ben, plus trop, je m'en allais. Toi, t'es le... T'es le chanteur de ce band-là? T'as-tu d'autres membres dans ce groupe-là à date ou c'est... Ouais. C'est qui les autres membres? Oui, mon frère, il vient de commencer à jouer du drum. Ok. Puis il y a son ami, il joue de la bass. Ça ressemble à quoi le drum sur cette tune-là? Ok, quand même, ça rock, ça. Ok, nouveau. nouveau segment. Là, imagine qu'il y a une musique de chanson thème. Les chanteurs qui marmonnent des harmonies, on les appelle les marmonies. Faudrait t'embarquer quand même toi aussi. Si t'es capable. Attends, ça me fait qu'il est trop les marmonies. Je pense que je voulais pas te le dire avant. C'est un nouveau segment, Marmonie. Mais c'était du Francis Cabrel, ça. Bah ben ça, ils disent pas. Je pense une question de droit d'auteur. Je pense toute la musique originale. Fait que, c'est que on les salue, Monsieur Marmot et Ni. célèbre, les autres sont bons là. Ils ont un bandcamp et tout là. Bienvenue à Reptile. Bienvenue, ouais. Vous êtes avec Croco Daniel et j'ai le serpent. Aujourd'hui, on parle cuir. On va aussi parler de couteau. Et puis, sais-tu qu'est-ce qui est le fun avec les couteaux? C'est sûr que les bottes en cuir. Oh, t'as-tu vu mon étui pour ce couteau-là? Check ça. Oh shit, man. T'es beau, ouais. L'étui, es-tu bien solide? Regarde, mets ça à terre, va check. Oh boy. Ouais. Pas de crête. Ça tenue. Pas de marque. Pas de marque. Ben, Chris, toi. Moi, je donne 5 étoiles sur 13. Ben, parfait. Moi aussi. Hé, t'aimes-tu ça, les grillons, toi? Moi, j'aime mieux griller les grillons. Oh, OK. Oui, mettons une mouche. T'aimes-tu ça? Ah, j'aime bien ça, mais tout ce qui est des insectes. Grosse mouche, petite mouche. Grosse mouche. Grosse mouche, hein. Surtout grosse mouche, ouais. Toi, il ira tout le temps? Bah, ouais. Ouais. Ouais. Tant qu'il y en aura... L'autre jour, j'étais en vacances à Disney World, j'ai mangé un enfant. Bah! C'est-tu bon? T'as un peu les corn pops? Bon, ben c'était Reptile. Et merci, à la semaine prochaine, iTunes, Facebook, Twitter, Lézard. Merci. Merci. Les concombres de l'épicerie me regardent avec un air délicieux. Mais moi, je me promène avec mon panier. J'ai pogné le panier avec la roue qui flacote. Hostie, arrête ce panier parce qu'il y a comme une petite corde dedans pis ça me fait chier. Pis j'essaie d'enlever la petite corde des roues pour qu'elle roule mieux. Mais je prends ma main pis je tire la petite corde. Pis je prends la petite corde pis la décorde pas. Pis là, ma blonde pousse le panier parce qu'elle trouve que c'est trop long. Pis là, mon doigt il reste pogné en dessous du panier. Là, je fais aïe aïe hostie, mon doigt il est pogné en dessous du panier. Dans un maxi, le gérant y arrive, monsieur. S'il vous plaît, poursuivez-vous pas. On veut pas aller en cours. On a déjà Martin et Matt comme commanditaire. Je vais faire Chris, non, fais juste essayer d'enlever mon doigt de la roue, hostie. Pis là, il fait oui, monsieur, je vais vous enlever de la roue. Je vais enlever mon commis qui emballe les sacs. Le commis fait Chris. La malade a vraiment une grosse commande. Je peux pas faire 10 affaires en même temps. Quand je peux pas le dépanner les doigts, pis asti, elle a comme 10 paquets de steak haché. Qui c'est ça qui achète 10 asti, paquets de steak haché de tabarnak de Chris? Là, attends, je vais aller emballer ses sacs. En plus, elle n'a pas amené, elle, le style de conne. Elle paye 5 cents à chaque sac. Faut que j'en mette un par sac parce que c'est une style d'épaisse. Là, je suis en train d'emballer les sacs. Là, j'ai rien fait. Ok, je vais appeler l'autre gars qui ramasse les affaires. C'est le concierge. Puis là, il passe la map. Il fait comme Chris. Je suis en train de passer la map. Il y a quelqu'un qui échappait de la sauce. J'ai mis la petite affaire jaune. Mais faut quand même que je ramasse la sauce pour que personne se casse la gueule. Là, le gérant il dit oui, mais là, t'as une affaire jaune. Il y a personne qui va se casser la gueule. Là, le concierge dit oui, Chris, les clients, ils regardent pas la petite affaire jaune de tabarnak. Puis là, il regarde pas, pis il tombe, pis il marche dans la sauce à spaghetti. Pis là, ils font comme oh Chris, j'suis en train de glisser, tabarnak. Pis là, ils glissent, pis ils se pètent la tête sur le rack. Pis là, ils disent ok, je me suis pété la tête sur le rack, peut-être. Mais là, j'suis tombé en bas, pis y'avait des craquelins, pis ils étaient en spécial. Pis je les ai achetés, je les ai mis dans mon panier, mais j'saigne. Pis là, j'saigne. Pis là, je regarde les craquelins. J'fais comme oh Chris, c'est de l'huile de palme dedans, ça donne un cancer. J'vais peut-être le prendre pareil parce qu'il est en spécial. Mes enfants ils savent pas. Puis je vais le tenir. Puis je vais leur mettre des croutons dessus. Puis je sais pas des croutons, on dit des croutons. Des croutons sur des craquelins. Ça serait weird. Ça serait même trop croustillant. Puis là, je vais leur dire ben Chris, t'avais qu'à pas chier à terre. Si t'es pas Michel Richard. Jamais tout le temps. Jamais tout le temps. Salut tout le monde et bienvenue à Jamais tout quand. Jamais tout quand, le seul podcast qui animé par trois grands oiseaux. Salut les boys, aujourd'hui on est avec Sébastien Aigrette. Salut. Et Steve Serin. Ta gueule. Et je suis Gabriel Flamand. On va commencer comme d'habitude avec ta gueule. Ta gueule. On va commencer avec les flippages de nid. Ouais, moi, brrr. Les hosties de verre séchés. Oh, ça, hein. Ouais, toi, Steve, c'est quoi? Mais non. Ouais, si t'es bien cave, ta gueule. Calisse. Ta gueule. Ouais, moi, j'écoutais du, El Quack of Prayer of Perversion. Ah oui, j'ai... C'était bon, ça, Ah! Mais moi, c'est rien que pour dire de l'estime de merde! Moi, cette semaine, je vais être original, je flippe Facebird! Oh, ta gueule! Ta gueule! Ta gueule, esti! J'ai vu une petite oie, l'autre jour, j'ai dit, mange mes graines! Est-ce que t'es oiseau-gine? Steve, tu sais les mots juste. Hey, c'était la meilleure blague, man. On va commencer. Moi, je shout out à la statue de Louis Cyr. Fait deux semaines que je suis dessus. Hey, moi, shout out au vieux monsieur qui me tirait des frites. Pis toi, Steve. Steve, il vient de pondre un œuf. L'ubris multicolore de la femme d'Anjou. Oh, Oh, la vie est si dure. Je lave les planchers et je couvre mon corps d'une couette chaque nuit, pensant à toi, Eframor. De tes doux bisous dans ma nuque, je peux voir la vie éclater dans mes yeux, sous la couette. Adieu, Ephémor. C'est pas très bon. Hey, c'est toi, Mathieu des Sorbets. Wow! Hey, qu'est-ce que vous faites? Hey! Ferme dans ta gueule, t'es pas drôle! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Arrêtez de me battre, monsieur! Hey! Oh! Bon, personne n'y a cru. J'essaie de vous déjouer. C'est raté. Je rends une voix de marde. Un, la poésie des mots. Et deux, la poésie du système digestif. Ah! Ah! Cœur, hein? Ah! C'était cœur, hein? Ah! Émission hier! C'était cœur, hein? C'était cœur, hein, ça? Elle check saute, là! C'était cœur, hein? Moi, j'étais allé en campagne, j'ai dit, c'est une rue? Non, c'est un cœur, hein? C'était cœur, hein? T'es fort, hein, faire des petits manchots, des petits mensonges blancs, non? Manchots! Des manchots! Manchots! Manchots! Hey, on a un appel. Oh, yallo? Hey, c'est moi, Manchon. Vous avez répété mon nom plein de fois, vous m'avez fait apparaître. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je sais pas, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites? Manchon, je suis le roi des changes. Ah! C'est quand tu dors, il y a les songes, mais moi, je suis les changes. Les changes, ouais. Ouais, les changes. C'est les rêves avec la bouche pleine. Tu sais, c'est comme quand tu vas à l'épicerie, puis il y a des enfants qui emballent les affaires pour toi. Puis là, tu veux leur donner un don, finalement, t'as rien dans ton portefeuille, fait que tu te dis, est-ce que j'ai pas de change? Ben, c'est moi, ça. c'est toi qui vis dans cette action-là, genre. Ah oui, ben c'est ça, exact. Moi, je suis pas vraiment une personne plus qu'une entité, c'est comme une espèce de... T'es un concept. Je suis un concept, ouais. C'est sûr que je suis... Mais là, vous avez dit mon nom plein de fois, je peux vous aider, je peux se faire de quoi? Ben, qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça que je voulais demander. Ben, je te l'ai dit, je fais que ça, moi. Ouais, mais change. C'est un peu dur à comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, attends, ok, attends, Soyez indulgent avec moi, c'est... je l'ai un peu rough à ma tête. Hey, réexpliquez-moi comment ça fonctionne. Ok, bien, je vais t'expliquer les règles de change, ok? Un, tu changes pas. Deux, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Ok? Oui, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Attends, tu veux qu'on parle de la quatrième règle? Troisième. Oh! Attends! Oh, hey, attends, il y a quelqu'un qui a pas de change. Faut que j'y aille. Bye! C'est tout! Et voilà, ben là, il y aura pas eu le temps de dire sa quatrième règle. Fait que là, on peut pas tout comprendre du concept. Non! Mais moi, je pense que c'est clair. Si vous comprenez, c'est quoi hashtag change? Je comprends toujours pas que j'aurais pu demander. Tabarnouche, t'as-tu bien timé cet appel-là? Allô, les sorbets? Hey, c'est moi, Link! Link? Oui, Link l'aventurier! C'est le Link dans Zelda, là. Oui, ben là, en ce moment, il est couché! C'est-tu, êtes-vous, vous êtes quel Link? Le Link ou un Link précis d'une heure? Hey, écoute! Link, écoute! Arrête! Je parle au sorbet! Oh, Navi, hein! Ok, Navi, donc, vous êtes le Link d'Ocarina of Time. Oui! Je peux s'en déduire par votre voix de genou que vous êtes la version jeune du début du jeu. Je vais devenir plus vieux! Ok, tu le sais pas, fait que t'es forcément au début du jeu, t'es pas à la fin, là? Ou t'es... Ouais. Je parle au gros Chris d'arbre! Ok, bon, c'est ça. T'as poigné le hibou, là? Non, quel hibou? Le hibou qui fait les explications que si tu pèses pas sur le bon piton, il te répète tout ce qu'il dit. Ah, non. Ouais. Peut-être pour ça, je comprends pas. Ouais, mais... Écoute-moi! Link, écoute! Arrête, Navi! Écoute-moi! Arrête! Là, c'est quoi votre... Bon. Avez-vous une quête, vous, Link? Y'a-t-il quelque chose? Peux-tu vous aider, quelque chose? Si vous trouvez une dépouille, ramenez-la-moi! Une dépouille? Une dépouille ou une dépouille? Dépouille! Ok, pas une dépouille, un là. Un poulet! Ok, ben... C'est quelque chose... Pourquoi t'aimes ça, le poulet? C'est un de tes mets préférés? C'est comme t'as-tu vu une recette dans trois fois par... Je crois que je me suis mélangé de Zelda! Les poules, c'est dans le village, là, après, là, c'est pas, c'est après l'arbre, ça? C'est mon papa qui m'en a parlé! Bon, allez, je vous laisse! Non, c'est... Bon, ben là, on apprend que Link a un père. Je sais pas c'était quel Link, mais il était pas très documenté. Ben, c'est ça, j'essaie de trouver. C'est peut-être un des... C'est Zelda. L'agglomération de petits hommes verts, je pense. Un des Zelda sur les CDI, les assistants de Zelda OLED, pas faites par Nintendo. Hein. Peut-être un de ceux-là. OK. Hey, c'est beau, hein, du piano mécanique. Mais tu sais, c'est pas un piano mécanique comme on voit d'habitude. C'est genre un robot qui joue du piano. Moi, mais... Hey, Stéphane, check! Check, je touche le robot! Ben, touche pas le robot! Check! Ah non, mais t'es après fuck à J'ai tout. Donné des billes! Ben oui, mais... La toune... Check ça, Stéphane! Il tient ma bière en jouant! Ben oui, ça sonne le cul! Ben non! Check ça! Mais c'est pas le robot! Je suis debout sur le table... sur le piano! Puis capable de parler! Ah, man... Hey, c'était malade, ça. Oh, shit! Elle tombe quand même sur le cœur, la Blanchotte, qu'on se le dise, là. C'est la première fois que je vois une bière, on pourrait dire qu'on dirait quasiment qu'il la coupe avec du lait. C'est peut-être ça que ça prend des céréales. Demande au gars là-bas avec la tuque. Hein. C'est pas une tuque, ça. Si Dieu existe! Ah! Oh. C'est enfant Claude Dubois. Ouais, c'est enfant Claude Dubois, ça. Ben oui, c'est si que donc. Dieu ah, oui. existe! C'est drôle, il a l'air moins d'un plein de marde qu'aujourd'hui. Comme tu aimes les oiseaux. Crème à cet âge-là, Cristal est même pas né. Hein. Non. Twipty billy doop twipty. Mais, Chris, il s'avance à la scène. Ah non. Ouais. Ah. Il est-tu sur le show? Ben. Ben. Mais je pensais qu'il passait son temps en prison ou à conduire soi avec ses enfants. C'est un peu, tu sais, des pillets, là. Ah ben oui, toi. C'est. Est-ce que si c'est pas lui, Claude Dubois, le printemps charmeur. Oui. C'est le vrai, ça? Ben, ça a l'air. Au moins, il a pas l'air de parler de boisson en plus, lui. Ah. Pas encore. Ben, c'est ça, il est trop jeune. Ah, il va nous entendre parler en esti de boisson, lui, plus tard. Hey, c'est peut-être nous autres qui va le rendre alcoolique. Tu penses-tu que ça commence à se faire? Ouais, c'est ça! C'est nous autres qui le font voir. C'est toutes nous autres qui scrapent sa carrière. Tu sais, la musicographie de Claude Dubois, ça commence par « Il sombra dans l'enfer de l'alcool ». Mais c'était bon, Claude Dubois, ce qu'il faisait avant, par exemple. Mais là, avant 14 ans, ou... Fou mêlé. Non, après, avec 14 ans, il chantait... Ben là, tu vas le voir, il chante avec un groupe qui s'appelle Les Montagnards. Mais après ça, qu'est-ce que c'est? T'as-tu juste pas de quoi à terre? Ben, excuse-moi, je jouais avec un genre de petit équerre en plastique. OK. J'amène ça dans les bars, moi. Ah ouais? L'échappé. Non, Mathieu est toujours excuse-moi. Son petit équerre en plastique. Ben, on sait jamais quand t'as besoin de trouver un angle droit. Mmh. Ben, moi, j'ai toujours ma poupée troll. Garde. Hé! Hey. Ben, hein? Elle a vu. Tu fais-tu des cheveux en pic ou t'es écrase? Ah, moi, c'est toujours en pic, moi. Nice. Mais là, j'haïs ça, là, depuis qu'ils ont fait un nouveau film, là. C'est comme, c'est plus pareil. Non. Est-ce qu'ils ressortent tout, hein? Ben. Mais ils sont arrivés de sortir Claude Dubois, là. Ah ouais. La nouvelle poupée Claude Dubois. Claude Dubois de Second Redemption. Ah, il commence, là. Ouf, okay. Man, va y crisser une claque avant qu'il en joue une autre. Ah, il crisse, ok. Hey, commence. Hey, tu l'as arrêté sec, hein? Faut dire, mais arrête, ouais. Je m'attendais à ce que... C'est spécial comment ta claque a touché tous les musiciens en même temps. Ben écoute... T'as une grosse main? J'ai peut-être scrappé Claude Dubois. Hein. Qu'est-ce qu'on dit, hein? Grosse main, gros bat. On dit ça? Qui c'est que dit ça? Je pense que je viens d'inventer l'expression « toucher du bois ». Oh! Ben, nice. Il a déjà fait un album qui s'appelle Sortir du bois. Ah, bon ben, peut-être qu'on va le sortir avec le shérif tout le Regarde, continue, je vais sortir le. T'as frappé. Ben, donne-y des shots. Ouais, t'as frappé un enfant, Stéphane, hein, tu vois. Ah, ouais. Ah, il était assommé. Ah. Ouais, reste à lumière, Stéphane, hein. Pars pas avec un enfant évanoui dans le noir. Surtout pas avec Claude Dubois. Je l'ai mis dans les carottes, là. Okay. Ah, ok, nice. Ben, je l'ai déposé dans les... Je sais pas... Hey. Ah, non, j'ai pris... Je l'ai pris le corps, je l'ai mis... Ah, du coup. Y'a pas de façon de se réfléchir à ça. Je l'ai pris. Y'a-tu un verbe qui est pas vulgaire? Tu l'as déplacé d'un carotte. Déplacé d'un carotte, merci. Tu l'as saucé? Eh boy, on pas là. Non. Ok. Je t'ai vu y donner un bisou. Toucher du bois. Je touche du bois. Ah, je vais aller aux toilettes, j'ai rien. Ok. Le piano mécanique marche encore. J'étais sûr que Mathieu l'aurait scrappé tantôt, hein, zigonnant à bride. Hey Stéphane! Check le gros caca! Check ça, man! Ça me va au genou! Ces toilettes-là, ils ont pas de porte, hein? Non, mais je pense que c'est un cheval qui a fait ça, check ça! Je peux mettre mon verre dessus, il tient! Ah ouais. T'es fait pour ça? Check, je suis debout dessus! Elle est tellement grosse, bon! Je reviens! Shake-ra tes bottes, man, parce que. Oh! Hey, hein? Ok. C'est con, ok? Là, je viens de crier quelque chose au fantôme. Là, je vais ouvrir la porte. Puis tu fais le gars qui fait « Je veux de la sauce. » Puis là, il y a un bruit d'applaudissement. Puis ça finit là, genre. Ok. Je veux de la sauce. C'est ouais, ça? C'est à peu près ça, je pense. Puis je vais mettre des bruits de « Wouh! » de « Cheer » du sitcom de sauce. Puis ça finit, c'est « Cheer ». Je sais pas si c'est peut-être con. Hein. Ouais, parfait, ça tombe. Mais... Ouais. Ça me va. Moi aussi, je devrais avoir assez de trucs pour monter de quoi, là.